bien une chose que j'aime. Plus beau que la Corrèze. Soyez sûr dans le tuner, oui j'ai coé en cathéter. L'écouter tous les soirs, j'ai les oreilles qui frient. Attention au traquenard, il a une équipe débile. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. D'après les médecins, pour être en bonne santé, il faut rire au moins 5 minutes par jour. Avec Coé, vous allez vivre jusqu'à 120 ans. Ça va être long, mais c'est ça qui est bon. Hey. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Ouais, c'est relou. Bienvenue. On va se dire au revoir dans quelques minutes. J'espère que... T'as un coup de chill. Pardon. Allô. J'arrive tout à l'heure. C'est Maria. C'est Père Noël. C'est Maria. Bon, qu'est-ce que j'ai écouté dans mon casque? Oh non. Quoi? Coco? Oui. Faut qu'on joue là. Je n'entends pas. Faut qu'on joue. J'écoute un truc, oui. Faut qu'on joue. Suivez-vous. Avez-vous vu la tête des Miss France d'ailleurs? Oui. Comment elles sont? J'ai pas vu. Ah non, j'ai pas vu. Moi j'ai mes préférées. Alors, Miss vas-y. Tahiti et Languedoc-Roussillon. Ah ça y est déjà direct. Ah ouais, c'est mes préférées. Miss Tahiti, elle est jolie. Ah ouais, grave. Mais généralement, vraiment, chaque fois qu'il y a eu des Languedoc-Roussillon, très jolie. Ces derniers temps, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais elles sont vraiment toutes très jolies. Oui. Oui. C'est très méchant ce que tu viens de dire. Non, parce qu'il y a eu des années, il y a eu des moches par région. Il faut dire ce qui est. Il y a eu des années. Ils n'ont pas eu le choix. Il y avait des nanas qui étaient quand même. La Bretagne. Non, mais. Alors déjà, t'arrêtes sur cette Bretagne. Mais je me souviens même plus, mais je me souviens qu'une fois, il y avait eu une Miss Orléans une année. Oh la pauvre. Oui, celle qui. Oh, elle avait un physique pas facile. Ah non, bon, mais tu te demandes comment elle est arrivée là, une erreur. Je sais pas. Hein. Une erreur de casting. Je sais pas, Gilbert Montagné à la présidence, je sais pas. Mais la pauvre était. Il y a eu des années où les filles étaient vraiment. Il y avait des grosses différences. Et je trouve que là, elles sont. Voilà. Et dans le Nord cette année, c'est la sœur de Varane, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est oui, ça hein. Elle est très jolie aussi. Hein. Oui. C'est bah, très, je très me doute bien qu'elle va pas être moche. Non, mais. Elle est spécialement. Est-ce que, monsieur Bordas, est-ce que depuis tout à l'heure, vous pourriez me montrer la photo de cette demoiselle plutôt que de rien faire? Laquelle? Voilà. Mais la de toutes les sœurs de Varane. Ah oui. Tu peux voir sa sœur? Quelqu'un peut mettre un. Tu peux voir sa sœur? Mais non, je voudrais voir la tête qu'elle a, je ne l'ai pas vue. Marlène, sa sœur? Allez hop. Super, blague de vue. Allez hop. Oh, les grosses têtes. Si elle est bonne. Sortez de ce corps. Oh la vache! Ah, elle est magnifique. Oui. Non, c'est une dame, Jeff. Elle est magnifique, elle est très cette belle. Demoiselle. Oui. Ah, elle peut gagner du Nord? Oui. Ah, oui, gagner, tu les vois. Les filles du Nord sont belles. Gagnard. Non, ouais, ça va, aller, c'est un peu plus. Non, c'est une fierté, pas deux années de suite. Ça fait même plus que deux plus années. Trois ans. C'est toujours Picardie Nord. Excusez-moi, ne poussez pas votre jalousie. On gagne, on gagne. Bah, on est tous beaux dans le Nord. Regarde-nous dans l'équipe, on est deux plus beaux. Bien, on va passer à autre chose. Alors, voici. Donc, j'ai récupéré le questionnaire prévu pour les Miss France. Et comme on a un public là aujourd'hui qui est très. En plus ou moins. On va faire le test. Alors, demoiselle de gauche. Quel est ton prénom? Kenza. Kenza. Et je veux que personne n'aide, d'accord? C'est important. Ok. Qu'a-t-on célébré en France le 11 novembre dernier? En France? Parle bien, micro vraiment, je sais que... Ouais. Je sais pas. Ah, mais... Vraiment bien près, je sais pas comment te le dire mieux que oui, bien je près. Sais. Elle a une petite voix. Voilà, mieux. Donc, je sais pas du tout. T'as remarqué que c'était férié? C'était férié le 11 novembre, tu t'es pas dit tiens, ça tombe un week-end. C'est marrant, personne ne bosse. Non. Vraiment, ça te dit rien? Il y a pas grand monde dans les rues. Idée. 11 novembre, rien. C'est tombé un dimanche d'ailleurs, de toute façon. Ah bah voilà, c'était un dimanche. Tu sais à côté? Oui. Eh bien, ouais, mais je vais m'endormir. Étale ton bonheur. Meuf, j'ai pris une photo de toi il y a 2 minutes. Oui, je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé à tout le monde. Je sais pas si t'étais en déprime ou si ton cerveau était en train de s'éteindre. Elle a fait, tu sais à quoi tu ressemblais? À un iPhone qui est à 3%. Tu sais, il commençait à enlever tous les trucs, il commençait à baisser. Elle a fait la fête hier soir. Elle a fait la fête. Elle a fait la fête hier soir. Elle était comme ça, tu sentais qu'il commençait à enlever toutes les fonctions vitales. Et son cœur disait, bon, je vais économiser les yeux. Je vais économiser l'énergie. Elle était à deux doigts de glisser comme ça. Ah, laisse-la répondre. Vas-y. Elle est en mode batterie. Elle est 100 ans de l'armistice. De quelle année? De la guerre de 14-18. Bravo, mademoiselle. Voilà, elle a fait la fête hier soir. Bravo, mademoiselle. Quelle culture! C'était l'armistice tout court, oui. Personne n'aide. Nom de notre Premier ministre. Je sais pas. Mais non, quand même. Ah, le Premier ministre. Ah, vraiment, je sais pas. Mais on entend parler tout le temps, là. Quel âge tu as? Je sais pas. Tu sais pas ton âge, je ne sais rien. Comment? Laissez-moi tranquille. 18 ans. 18 ans. Le Premier ministre, ça te dit rien? Enlève cette musique. Mets-moi un truc un peu plus suspense. Ah, bah d'accord. Non, vraiment, je sais pas. Vraiment? Ouais. C'est deux prénoms. Guy Georges? Émile Louis? Patrick Sébastien? Vas-y, il me dit de la merde. Vas-y, vas-y, il te l'a dit. Il te l'a dit. J'ai même pas entendu. Bah, Pikachu. Pikachu. Édouard Bayard, c'est ça? Ouais, c'est ça, Édouard Bayard, ouais. À côté, nom du Premier ministre. Alors moi, pour le coup, je suis une vraie blonde, mais une vraie de vraie, je sais pas du tout. Mais vraiment. Et rappelle-moi ton âge. 19 ans. La France, je ne sais pas où elle y va, mais elle y va. Et à fond, train. Et elle y va, on y va, on est en une direction, là. À côté, on passe le micro à côté, Premier ministre. Je sais pas du tout. Mais c'est génial. C'est sérieuse. Vous savez quoi? On vous a mis au premier rang. Alors on a des champions là. On a bien fait. J'ose pas imaginer le troisième rang. On va. Mais avec les gilets jaunes. À côté, tout elle ça. À côté. Elle a la réponse. Non, non. Quoi, non? Non, mais c'est fou. Petit, je suis sûr le petit doit savoir. Le petit s'aberre. Si le petit de 9 ans, il sait. Ouais, non, il sait pas lui. Derrière, allez, on va derrière. On va derrière. Le nom du Premier ministre. C'est pas genre Kaderi ou un truc comme ça. Kader Aoun. Voilà, c'est ça. Kader Aoun, bien sûr. Il a tout pris le programme des Américains, le même, il l'a ramené en France. Photocopié, comme pour les humoristes. Pareil. Copycat. Copie. Kader Aoun. On va aller à côté, on va aller à côté. C'est Édouard Philippe. Ouais. Alléluia. Fantastique. C'est horrible. Fantastique. Ils peuvent quand même tous voter, ces gens-là. C'est oui, ça moi je vote pour Kader. Il est très très Ils sont bien. Tous majeurs, hein. On revient devant. Toi, tu me plais, à gauche. On revient vers toi. Attention, personne n'aide. Complète la liste. Athos, Porthos et... Athos, Porthos et... Lagardère ou Aramis ou Bayard ou Stouff. Je suis perdu là. Je connais pas les remplaçants. Athos, quel âge tu as, ma chérie? 18 ans. 18 ans. Ça doit te sembler long, la journée en CM2. On continue. Écoute bien, il faut compléter. Athos, Porthos et Lagardère, Aramis, Bayard ou Stouff. C'est une suite, il en manque un. Je sais. Donc, Lagardère, Aramis, Bayard ou Stouff. Aramis. Et ce sont les trois... Mages. Les trois frères. Les trois. Si je vais t'embrasser dans deux minutes, viens, viens avec moi. C'est comme ça. Oui, les trois mages qui ont amené de l'argent. Bravo, Kenza. Tu m'as dit quoi, c'est? C'est les trois mousquetaires, c'est Lagardère. Mais non, c'est toujours pas ça. Oh là là là là, Athos, Porthos et Aramis, les rois mages. Eh oui, bien sûr. Oui, les trois frères. Bah voilà. Les trois petits cochons. Oui. C'est énorme. C'est génial. Oh là là, heureusement que je vais aller lire les trois mousquetaires avec Melchior Balthazar tout à l'heure. Je vous fais des bisous. Il y avait encore la suite du quiz, mais autant terminer sur une championne. Et c'est comme dans Question pour un champion. Je veux que tu reviennes la semaine prochaine. Est-ce que tu es prête? Redonne-moi ton prénom. Kenza. Kenza, es-tu prête à remettre ton titre en jeu la semaine prochaine? Oui. Elle remet son titre en jeu. Bonne soirée, je vous laisse avec toute l'équipe du Rico Show. Bisous à tous. Il fait bien énergie ce soir avec pas mal de surprises. Ça va, les amis? Ça va, Koé? Oui, est-ce que bien. T'as pris du plaisir ce week-end? On a... Oui, j'ai... Ah oui, c'est... Ouais, c'était très fatigant de jouer trois fois en deux jours, oh là mais là c'était là, très mon bien. Mon pauvre, j'imagine. Mais un bonheur. Bon, bah, je vous embrasse. Mieux. On vous embrasse. Qui fait bien cette soirée, je vous laisse avec le Rico Show. À demain, tout le monde. Allez, bisous. Demain, sur Énergie. 3, 2, Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico, et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Jusqu'à 23h, le Rico Show. Le Rico Show. Sur Énergie. Allez, les amis, on a une énorme soirée. Déjà parce que dans 25 minutes, on va se faire le Tinder de la peur. Sylvain va rencontrer une jeune femme avec qui il a matché sur les réseaux ce week-end. Et à un moment donné, il va allumer la télé et il y aura une annonce très claire le disant rechercher une émission spéciale lui est consacrée. Et ça, c'est énorme. C'est inédit en radio. Toutes les news du week-end, il y a beaucoup de dos. Et puis, on va parler du bail du jour. C'est l'intelligence artificielle. Je vais vous expliquer tout ça. En fait, maintenant, on peut avoir des robots qui parlent à notre place pour réserver des restos, parler à une meuf. Non, mais c'est ouf. Et du coup, on va piéger des stars avec l'intelligence artificielle, les amis. On va se faire un kiff. Ça va, ma Sarah ? Bonsoir à tous. Bonsoir, Rico. Oh, je te sens en pleine forme. On va en parler. Comment il va le tombeur ? Bah, écoute, en pleine forme. Hein. T'es en pleine forme ? Ah ouais. Ce soir, c'est Tinder ? Ce soir, c'est Tinder. Et j'espère qu'elle va pas arriver avec son gilet jaune aussi. Hein. Ah oui, bah, moi, je le mettrai avant le date. Quand je vois ta tête, je suis déjà en opposition. Ça va, JM ? Super week-end, Rico. Top, franchement, j'ai hâte. Oh là là, Marseille a gagné d'ailleurs. Exactement. Je pense à ton accent. Yes. On offre des places pour le Ballon d'Or ce soir. Ajoutez-nous, tiens, sur Snapchat, Rico Énergie. Je vous explique, on va piéger une star. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un serveur vocal qui discute. Pour moi, une des stars les plus intelligentes aujourd'hui. Qui ? Bah, je vous le donne juste après, parce qu'on va l'appeler direct. Sinon, il va être averti. On va la piéger, on va voir si elle peut se faire bouffer par un robot qui semble être un humain qui discute. C'est un petit peu l'avenir, nous dit-on. On va se faire ça, les amis, ça va être énorme. Le Tinder, les news et un tout nouveau canular dans 5 minutes. Tiens, on se met Maroon 5 et puis on piège une énorme resta que vous connaissez tous. J'ai le répertoire, on se fait ça avec l'intelligence artificielle. Ça va être énorme. 24, I was You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is bougazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Like you. I need a girl like you, yeah, yeah. on se fait un bail. Tout le monde va en parler. C'est le bail du jour sur Énergie. Allez, trop content de vous retrouver, les amis. Franchement, c'est un pur bonheur. 3 heures de kiff, le Tinder de la peur. Concept inédit en radio que vous adorez. Sylvain est chaud, il va recevoir son date et elle apprendra à la télévision, évidemment, qu'il est recherché. On se fera aussi le casting inversé dans 5 minutes, Sarah. Ah ouais. Tu m'as inscrit à des cours de chant et je vais devoir prouver que je suis le meilleur auprès d'une nana. Vous allez voir, c'est ma grand-mère, en fait, Madame Jacquin. Oui, c'est ça. Et mon petit-fils va absolument devenir une star, mais il va falloir faire ses preuves. La prof de chant t'attend. J'ai ma petite idée. En plus, on appelle un milieu très bourgeois et je serai vraiment l'antithèse. Vous allez voir, je suis le gars en bas des blocs. L'intelligence artificielle, les amis, ça y est, ça tombe. On peut même réserver des restaurants à notre place. On programme et puis c'est un robot qui parle. Et il y a même l'enceinte là, connectée de ah, Google, oui, qui a un rire, les amis, lorsque vous parlez avec elle. À un moment donné, elle peut rire comme ça. Oh là là, voilà, c'est flippant. C'est-à-dire qu'il t'imite les hésitations de voix. C'est plus crédible que jamais. Et j'ai mis la main sur un robot, sur une intelligence artificielle, et on va piéger une star dans un instant. On va l'appeler avec l'intelligence artificielle et en fait je vais mettre une meuf qui va faire semblant de l'avoir rencontrée et qui aimerait discuter avec une vraie meuf. Je te jure, et la meuf elle répond du tac au tac. J'ai piégé des amis tout ce week-end. Je me suis dit, on va se faire ça ensemble avec une resta. On se fait ça dans 2 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez là, vous, de l'intelligence artificielle? Bah c'est cool. Par exemple, moi je sais que quand je m'embrouille avec mon mec, j'ai du mal à faire le premier pas et lui aussi. Ah, du ouais, coup, si j'envoie l'intelligence artificielle qui va lui dire pardon, ça passe. Au final, vous allez vous vénérer avec l'intelligence. C'est ça. On va dire, mais laisse tomber, c'est le robot encore. Non, mais, c'est le robot. Non, mais si lui aussi il a une intelligence artificielle, lui aussi il va envoyer son intelligence. Et les intelligences artificielles vont se parler entre elles. Tu m'as dit que des avocats, des robots. C'est ça. Alors je représente Sarah et toi tu. Et les gars, c'est des avocats. Ah ouais. Ils sont là, ils se parlent entre robots. Bah oui. Ils c'est essayent de bien se mettre d'accord. Sylvain. Bah moi, par exemple, tu vois, si t'as un petit problème. Aux zizi, tu vois. D'accord, ouais. Ouais, non, mais c'est petite angoisse médicale, quoi. Bah ouais, donc t'appelles ton médecin et tu te fais passer pour. Ouais, c'est le robot qui prend le relais, ouais, quoi. C'est ça. Écoute, je représente Sylvain Potard. Déjà, le docteur dit oula, robot. Est-ce que vous avez un préservatif, robot, pour me parler? J'ai très peur. Mais déjà, après, mon langage, c'est compliqué de parler comme moi. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est chaud, quoi. Ah, ouais, c'est chaud. Non, mais. Oui, tu parleras toujours mieux. Ouais, voilà. Il va dire, vous êtes sûr que c'est monsieur Potard, là, pareil? Après, tu pourras plus t'en passer. Mais au moins, tu nous feras du bien. Tu mettrais même un robot à la radio qui prendrait ta place. Ah, ouais, sûr. Ce serait mieux. Tu vois ça maintenant, quoi. Ouais, on commence à les gars. Ce serait pas mal, ça. Mais c'est vrai qu'il a raison, même à la pharmacie. Moi, des fois, j'ai honte de demander certains produits. Là, au moins, c'est l'intelligence artificielle qui s'y colle. T'envoies ton robot, t'es bien, j'aime. Bah ouais, dans les autres situations reloues aussi, tu sais, c'est quand il y a les démarcheurs qui t'appellent, là, pour te vendre les fenêtres. Je sais que tu l'as fait, Rico. Ouais, ouais, je sais. Les mecs pour te vendre les croisières, les téléphones, essayer là. Bim, intelligence artificielle, merci, au revoir. Merci, au revoir. Le gars, tu le laisses sur le robot, il perd 2 heures. Bon, les gars, moi, j'ai envie de l'essayer. J'ai mon robot. On se le fait ou pas? Alors, en fait, c'est une meuf, hein, je vous l'ai dit, qui est programmée pour vous faire croire qu'elle vous a rencontré et on s'y méprend. C'est vraiment une nana qui discute. Et moi, je me suis dit, la célébrité la plus connue, la plus intelligente, on va dire, pour moi, c'est les Bogdanov. Ouais. Ah oui, c'est des mecs intelligents. Non, mais au summum, les gars, ils sont là, ils te parlent de tout, du Bing Bang, du machin. C'est énorme. C'est surtout qu'on comprend rien, quoi. Ouais. Après, en tout cas, ils ont l'air intelligents. Ouais, ouais. Donc je me dis, tiens, on va lever ce délire-là et je les appelle. D'accord. Allez. J'appelle un des Bogdanov. Je crois que c'est. Ouais, j'ai Grisha. Oh, j'ai Grisha. Oui, des fois, on discute. Ah, pas mal. Ouais, je ne comprends rien aussi. Je l'appelle et je fais parler la meuf à ma place, hein, le robot, et qui lui dit qu'elle a rencontré. D'accord. J'ai appelé avant. Je sais qu'il répond. On y va, les amis. Allez. C'est parti, vous me dites ce que vous en pensez. Hashtag Rico Show sur Énergie et Rico Énergie sur Snapchat. Vas-y, on l'appelle. En plus, c'est un séducteur, lui. Il habite à côté, en plus. Écoute. Ouais. Appelle. Oui, allô ? Ouais, bébé ? Pardon ? C'est le robot. Ben voilà, je te rappelle comme tu me l'as demandé. Oh là, je crois que c'est une petite erreur. Donc, c'est pas bébé. Moi de l'autre soir. Qui ça ? Je te rappelle pas de moi ? Attends. Je sais pas. T'es toujours là ? Oui, je suis toujours là, mais c'est qui ? Bah, je comprends pas, pourtant on a passé un trop bon moment. Un trop bon moment. Ok, bah, tu fais le mec en fait. À faire genre, tu te souviens pas de moi. Mais non, mais c'est qui ? Attends, mais je crois que tu dois te tromper. Bah, écoute, perso, moi j'arrête pas de penser à toi. Ça te dirait qu'on se revoit ce soir ? Oh là là, non mais je sais pas du tout de qui il s'agit. Est-ce que tu pourrais me dire qui tu es ? On peut trouver directement chez toi, tu sais. Ouais, bien sûr, mais c'est qui ? Bon, envoie-moi un message, j'attends tes infos. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut attendre encore un petit peu parce que je ne sais pas qui tu es. Voilà, donc je pense qu'il doit y avoir une grosse erreur. En fait, je vois pas de qui il s'agit. Allez. On raccroche. Non, mais comment la nana elle fait pour rebondir pile quand tu pars? Écoute, t'inquiète, c'est dans la manche de tonton Rico. Bravo. Les gars, des intelligences comme ça, j'en ai plein. Et si vous voulez, toute la soirée, on piège des stars. Dites-moi, hashtag ricocheuse. Vous voulez qu'on continue? Vas-y. Moi, je suis chaud, les amis, on continue. Il y aura toutes les news de la journée et un nouveau canular, justement, le casting inversé et le Tinder de la peur. Sylvain reçoit sa prétendante, elle apprendra à la télé qu'il est recherché. Vous bougez surtout pas, on va piéger tout le monde. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. 67% des gens préfèrent un bon resto au sexe. Ah bon? Ok. Bah, déjà, la grosse différence, c'est que ça dure quand même beaucoup plus longtemps. Enfin, je crois. Excuse-moi, un bon resto avec des amis, ça peut durer 2h30. Ne me racontez pas que vous durez 2h30, à un moment, ça fait du feu. Hein. Manu dans le 6-9. Money, money. 6h, 9h30 sur Énergie. Intrépide, courageux, anonyme. Tu as vu la mort de près, c'est pour ça que je t'ai choisi. Tu vas devenir un guerrier. Robin des Bois. 1000 livres à celui qui me livrera ce voleur. Taron Egerton, Jimmy Fox, au cœur de l'action. Ils sont trop nombreux. Quoi, pour toi et moi? Ils sont pas assez. Produit par Leonardo DiCaprio. Robin des Bois, le 28 novembre au cinéma, avec Énergie. En novembre, il y avait cette reprise de 4 000 euros de tout ce qui roule pour l'achat d'une Opel Corsa, avec climatisation, radio CD Bluetooth et régulateur de vitesse. Pourquoi j'y aurais cru? Je veux dire, la mort d'Elvis, j'ai pas cru. Le monsieur sur la lune, j'ai pas cru. Alors une reprise de 4 000 euros, le complot, quoi. Et puis l'offre est passée, et depuis, j'ai honte, quoi. C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 30 novembre, Opel vous reprend tout ce qui roule 4 000 euros minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Dis donc, gérer son argent, c'est pas si simple. Comment tu fais, toi? Moi, je m'informe pour comprendre. Je lis Le Revenu tous les vendredis et je suis toute l'actualité sur leur nouveau site, lerevenu.com. Mais pourquoi? Parce que les conseils bourse et les placements du revenu sont vraiment indépendants, plein de bon sens et très efficaces. Avec Le Revenu, j'ai confiance et je peux gagner de l'argent. Le Revenu, partenaire conseil pour réussir vos placements. Mardi, il est arrivé un truc fou à Jeanne et Alice. Elles ont vu un ptérodactyle se poser sur leur balcon. Ouais. Mais le plus fou, c'est qu'elles mangeaient des pizzas larges Domino's à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€. Prix conseil à emporter hors signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr. À nous, notre super week-end à Venise. Oh oui, j'ai trop hâte, mon chéri. Oh, mais on pourra pas utiliser notre forfait là-bas. Mais si, avec le forfait mobile Free, tout est inclus. En plus, t'as 25 gigas d'internet inclus dans plus de 35 pays. Ah, mais c'est génial. Bah ouais, et on a toujours les appels, SMS et MMS illimités pour le même prix. Et comme c'est valable toute l'année, je t'emmène à Barcelone le week-end prochain. Ah, oh, mais merci, mon chéri, merci. Bon, non, ne me remercie pas, remercie Free. Offre soumise à condition, sous réserve de couverture. 25 gigaoctets en 3G, facturation au-delà. Hors numéro surtaxé. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Grâce à l'abonnement L'Équipe Numérique, profitez des avant-premières et des contenus exclusifs avant tout le monde. Et devenez la diva des influenceurs, le prince des fils d'actu, l'empereur des réseaux sociaux, le pape d'Internet. La passion du sport en illimité sans engagement pour les moins de 26 ans à seulement 5€ par mois. L'équipe, tous unis par le sport. Voir conditions sur l'équipe.fr. On a bien bossé ce trimestre. Oh, tu m'étonnes, on a tout donné. On l'a bien mérité, notre pack PlayStation 4 et le jeu Marvel's Spider-Man. Ouais, mais attention au budget. Je sais, et c'est pour ça qu'on va aller chez Leclerc. Leclerc? Chez Leclerc, tu as 50€ de remise immédiate et une deuxième manette offerte. Non. Offre valable du 23 au 26 novembre pour l'achat d'un pack PlayStation 4 1TB Marvel's Spider-Man. Bénéficiez de 50€ de remise immédiate, plus une deuxième manette offerte. Soit l'ensemble à 299€ au lieu de 408,90€. Voir modalité sur www.culture.leclerc. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience. Next, thank you. Next, thank you. I'm so fucking. me thinking my dad, cause she grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Gonna make that shit last. God forbid something happens, at least this song is a smash. Passer la soirée. C'est le Rico Show. 20h-23h sur Énergie. Eh oui les amis, avec vous jusqu'à 23h. Dans 20 minutes, le Tinder de la peur. Sylvain accueillera son date à la télé. Elle découvrira qu'il est recherché puisqu'il passe dans Crime sur Énergie 12. Autant vous dire, voilà, comme fait entrer l'accusé quoi. Autant vous dire que ça rassure sur la personne. Les news arrivent et je vous parlais de Pikachu. Les amis, vous allez voir un Pokémon qui a frappé un gars, s'est vraiment pris pour Pikachu. Vous allez voir ce qu'il a fait, c'est pas une vanne. Vous devez avoir l'info, c'est énorme. On va se faire aussi, tiens, que des kiffs puisque le casting inversé arrive là dans 30 secondes. Et puis vous avez adoré l'intelligence artificielle et le piège hein, justement de ce robot qui piège les personnalités. Ah ouais. Alors il y a plusieurs thèmes hein, vous allez voir, là c'était une jeune femme qui pensait avoir rencontré un des Bogdanov et elle discutait avec au téléphone, n'est-ce pas mon JM? Ouais, c'est énorme franchement, ouais, c'est beau hein. Franchement génial. ça vous a plu, hashtag Rico Show sur Énergie. Puis on a de l'espoir aussi pour remplacer Sylvain. Moi ce que je vous propose les copains, c'est qu'on démarre toutes les émissions cette semaine avec une star piégée. Ah oui, voilà. Ouais. On démarrera tous les soirs à 20h avec une vanne avec l'intelligence artificielle. Génial. D'accord, allez. C'est le robot qui va piéger. Si vous voulez voilà, rejoindre un petit peu tard, soyez bien à l'heure demain. On va s'écouter du bon son. On aura, tiens, Kenji là. D'ailleurs, il sera là jeudi, les amis. Kenji. Ouais, on va kiffer avec lui. On sera en public. ricochuatenergie.com. On s'écoutera DJ Snake. Et puis tout oublié d'Angèle qui avait couché avec Sylvain. Apparemment, elle a passé un sale moment. Mais ils veulent tous oublier les chanteurs. Avant Kenji, c'était pour oublier. Maintenant, c'est elle pour oublier. Kenji, c'était pour ça. Voilà, c'est à chacun sa chanson. On attend la tienne. Jessie, on a celle de ton ex, Shotgun. I'll be right, Shotgun. Elle veut se mettre une balle depuis qu'elle a rencontré. On l'embrasse très fort. Allez, on se fait le casting inversé, Sarah. Allez, c'est parti. Alors, en fait, je t'explique, Rico. D'habitude, tu sais, c'est toi qui fais passer des castings. Ouais. Et bien là, c'est toi qui vas t'y filer. Cet après-midi, j'ai appelé une prof de chant me faisant passer pour ta grand-mère. D'accord. Donc j'ai dit, oui, mon petit-fils rêve de devenir chanteur. Est-ce que vous pouvez lui donner des cours de chant? Elle m'a dit, oui, mais il faut que je l'entende d'abord. D'accord. Donc on va l'appeler, tu donnes tout. Hein. Donc cette fois, c'est moi le casting. C'est toi, tu vas passer le casting. Allez, c'est nouveau, on y va, on passe le casting. C'est parti, je te laisse gérer ça. Allez. Je vais lui en faire voir de toutes les couleurs. Oui, tais-toi. Ouais, d'accord. Allô? Allô? C'est Madame Jacquin, on s'est eu tout à l'heure en ligne. Pour faire suite à notre conversation, bon, j'en ai parlé à mon petit-fils, il est tellement heureux. D'accord, bon, c'est super. Ah, il est très heureux d'ailleurs. Voilà, il est avec moi, je vais vous le passer, hein, et après je vous reprends, d'accord? D'accord. Allez, à tout de suite. Allô? À tout de suite. Oui, bonjour. Bonjour, madame, ça va? Oui, ça va bien, merci, et vous? Ouais, ça va. Je suis content de vous avoir au bigot. Ah bah écoutez, tant mieux hein. Ouais, ça me sort un petit peu, moi la zygmus, je l'ai dans le sang quoi. D'accord. Et j'aimerais bien voir si on peut être déter pour faire des choses ensemble. La grande rhum là, elle m'a yépé la zygmus, mais elle veut pas mettre des sous en l'air, t'as vu? Oui. Donc ce serait bien, tu me dis si j'ai le level pour ses pairs quoi. Oui, bien sûr, on peut voir ça en effet. J'ai une petite compo, peut-être que je peux tu peux écouter quoi. Fais ta compo et si c'est bon, on fixe le rendez-vous. Vas-y, ferme-la, grande rhum. Ok, vas-y. Yo, je peux y aller, c'est bon? Oui, allez-y. Mais comment ça, le monde est typeux? Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'ailles dans ton lit. Oh, Dja-Dja, y a pas moyen, Dja-Dja. Je suis pas ta catin, Dja-Dja. Genre Katiana Baby, tu dates ça. Oh, Dja-Dja, y a pas moyen, Dja-Dja. Oh, c'est bien. Oh, c'était pas mal. Vous en avez pensé quoi? Est-ce qu'il a... Moi, je décèle un petit vibrato quand même au-delà du rap. Hein. Oui, alors, bon, encore une fois, moi, je suis plutôt sur la langue anglaise. Donc, d'accord. La langue française, ça va voilà. Ouais, alors je peux chanter tes chants en anglais si tu veux. Je te fais un petit truc en anglais rapide. Un truc sympa. Vas-y, je vais te le faire. Je vais te le faire, attends. Fuck you, motherfucker! Fuck you, motherfucker! Yeah! Yeah! Yeah! I consider myself very poor at English, but I can say fuck you, motherfucker! C'est pas de l'anglais, ça. C'est des insultes. Vous avez pensé quoi du flow en anglais? En tout cas, il y a du rythme. Alors, attention. Moi, je te dis un truc. Je te dis un truc rapide. J'ai l'impression que je peux faire aussi du... De la chanson, quoi. Peut-être que je peux t'en chanter un petit morceau, tu me dis ce que t'en penses. Maintenant, il faut quand même que je réfléchisse si je You are beautiful. La personne la plus adaptée. You are beautiful. You are beautiful. It's true. Ah, c'est beau, c'était bien ça, non? Écoute, si ça t'embête pas, c'est que tu vas me laisser réfléchir, si t'as entendu chanter, etc. Je vais voir. Mais si elle veut de toi. Bon, il pleure. Elle veut de toi, t'as une belle voix. Oh là là. Bon, rassurez-le quand même, il a une belle voix. Il a une belle voix, mais c'est le truc, c'est que... Est-ce que je peux avoir ta grand-mère de nouveau, s'il te plaît? Ah ben là, je vais te dire, j'ai fait le con. Mais t'as pas fait le con, attention, hein. Passe-moi juste ta grand-mère, s'il te plaît. Oui, j'ai fait le con. Elle est tombée, elle parle plus. Elle se moquait un peu de moi quand je chantais, je l'ai senti. Non mais attends, tu déconnes, là? T'as fait quoi, là? Oh, et réagis, là. Tu appelles les urgences tout de suite. Ok? Mamie! Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, tu t'es cogné, mamie! Oh, oui, ça y est! Oh, je sais pas si je me suis assoupie! Ah oui, tu t'es. T'es encore au téléphone? Oui, il y a une dame! Allô? Oui, allô, madame? Ah oui, désolée, je me suis assoupie, j'ai un peu mal à la tête, je sais pas trop ce qui s'est passé là. J'ai dû faire un petit malaise. Oui, mais alors, je voulais vous demander parce qu'il a l'air très émotif. S'il faut un professeur vraiment adapté déjà à son style de chant, je suis pas sûre d'être la plus adaptée. Allô? Allô? Allô? C'est qui? C'est le rappeur. Et elle est où ta grand-mère? Elle dort encore, mamie. Elle a compris que c'était une balle. Elle a compris. Les amis, les news arrivent. Il faut que je vous parle de ce Pikachu. Ce qu'il a fait en ville, c'est terrible. Les gars, je vais vous dire que. C'est vraiment des barres de rire. Oh là là. C'est pas bien, mais c'est des barres de rire. Pikachu est sorti et le Tinder de la peur arrive. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le pire. Qui se moque de toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on joue à quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami, mon ami, mon ami Tiago. Mon ami, mon ami, mon ami. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon. Allez, c'est les news. Emeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. Et puis on aura la chance d'avoir Kenji jeudi soir pour une émission en public ricochoatenergie.com. Et puis vous nous suivez sur Snap Rico NRJ. Allez-y, foncez les amis. Sarah est là, yes. Sylvain, JM. Ouais. Et puis vous, hashtag Ricocho sur Énergie, ça fait plaisir de vous voir. Je crois hélas qu'il faut que tu évites de chanter, Emeric, nous dit Elisabeth. Ouais. C'est noté. Les amis, on parlait des news. Il y a une personne qui était en Pikachu. D'accord, dans une ville en France. Ouais, il était là, il voulait vraiment attraper tout le monde. À votre avis, qu'a-t-il fait, Sarah? Oh là là, je sais pas, moi, il a volé dans une boutique. Volé dans une boutique. Ouais, Pikachu qui vole. Avec la Pokéball. Hop, ouais. Sauf que c'était le panier. Hop, je mets, je range. Non, pas du tout, Sylvain. Je sais pas, il s'est pris pour un jeu vidéo, quoi. Quand est-ce que t'as une idée, toi? Mais c'est un jeu vidéo. Quand est-ce que ça germe dans ta tête? Quand est-ce que tu penses à un demi-truc, à quelque chose de sympa? Tiens, JM. Bah, je sais pas, il voulait choper des meufs, c'était attraper les toutes, non? Ouais, pas mal, il est reparti avec sa main. Il est reparti avec la Pokéball dans la main. Tiens, on va demander à Guillaume qui a fait le 0870 42 48. Ça va, Guillaume? Pop, salut Morico, salut toute l'équipe. Salut mon poulet. Alors, Guillaume, il habite Brest. Eh bien, tant mieux parce que Pikachu était sur Biarritz ce week-end. Je vous le dis. Alors, raconte-moi, Guillaume, à ton avis, qu'est-ce qu'il a fait, Pikachu? Qu'est-ce qu'il a pu bien faire, ce petit Pikachu? Moi, je dirais. Allez, il a tenté d'attraper un petit CRS pour lui faire comprendre que les gilets jaunes étaient... Après tout, il est jeune, Pikachu. Ouais, c'est vrai. Il a pas besoin de gilets. Ouais. C'est pas mal, Guillaume, c'est pas mal. Non, c'est pas du tout ça. Il faut les laisser tranquilles, d'ailleurs. Nos amis CRS qui ont morflé, je vous le dis. Pikachu, attaque éclair. Il était en état d'ébriété manifeste. Et il n'a fallu que quelques secondes au videur pour le maîtriser. Mais en fait, il avait un taser. Il voulait taser tout le monde en disant attaque éclair. Il voulait foudroyer tout le monde. Énorme. Il était dans sa tête. Heureusement, ils l'ont maîtrisé. Il s'est rien passé de mal. Mais le mec est sorti habillé en jaune. Il s'était mis les joues rouges et voulait taser les gars. Non, mais Sylvain, faut pas qu'il sorte chez toi dans ta famille. Là. Non, moi, c'est un coup de foudre, tu vois. Ouais. Moi, là, je pense qu'il y a de l'amour, là. Quelle horreur. Ah ouais, non, mais c'est histoire de ouf, quand même, franchement. C'est flippant. Surtout que Pikachu, il est mignon, tu vois. Moi, je l'aime bien. Donc, tu te doutes pas, quoi, de sa méchanceté. Là, t'avais pas envie qu'il te pique avec sa queue. Hein. Il y avait autre chose. Ah ouais, là, il était affûté, Pika. Ou non, sinon, c'est un Pokémon Go, la nature réelle, tu vois. Ouais, façon réelle. Pokémon Go, c'est une appli où vous chassez des Pokémon. Ouais. Merci Sylvain d'être là et d'apporter vraiment de l'eau au débat, hein, au moulin du débat. Putain, vivement les robots pour le remplacer, celui-là. Je rappelle qu'il y a pour les quotas et les aides nombreuses que nous touchons. Allez, on va parler d'une histoire de ouf, les amis, concernant un rat. Oui, un rat a fait le buzz. Je vais vous expliquer ça. Sylvain n'était pas là. Arrêtez tout de suite, c'était du côté d'Hawaï, mais le rat vraiment a créé un souci. Hein. C'est un trouble. Il essaie de taser aussi le rat, non? Il a fini grillé. Je vais vous le dire, il y a quelque chose de ça. Mais vraiment, info de ouf, ça va. Vous allez vous dire, putain, j'ai de la chance. Vraiment. Les amis, on parlera aussi de la technologie du jour. Là, Franprix est en train de tester un truc pour nos courses. Et franchement, j'ai hâte de voir le truc arriver. C'est un petit peu comme Sacha, vous savez, le maître dresseur des Pokémon. Ouais. Il a toujours son Pikachu. Ouais. Bah, Franprix va nous permettre d'avoir toujours quelque chose à côté de nous. Mais génial, ils vont repérer les voleurs comme Sylvain. Ils pourront plus voler. Je vais vous expliquer ça. Ils ont étudié Sylvain pendant une quinzaine de jours. Taki Taki, DJ Snake. Et le Tinder de la peur arrive, les amis. 10 minutes. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Oh oh oh oh. I music, I flow, snake. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki. Tienes un besito o un aquí, Buri explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Anonaki. No le baje, el Buri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El Buri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. squeeze it, and squeeze it with my piggyback. It's hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. On est là jusqu'à 23h, 5 minutes avant le Tinder de la peur, concept de ouf où Sylvain va rencontrer une jeune femme avant qu'elle ne découvre à la télévision qu'il est recherché, c'est toujours énorme. Et puis on parlera du karma, est-ce que vous y croyez ou pas, c'est un peu le destin quand on fait des choses négatives, ah ça, oui. Ça revient en boomerang. On en parlera, ça fera débat les amis, tiens tiens, le karma a dû bien frapper Sylvain parce que la vue qu'il a, la vie qu'il a aujourd'hui celui-là. Tiens, je vous parlais justement d'un rat, on est avec Guillaume de Brest qui a fait le 0870 42 48. En fait il y a un mec qui a été viré, mon Guillaume, pour avoir cuit un rat dans un restaurant. Oh en fait, il s'est snappé, un peu comme nous avec le Rico Energy, hein, le snap. Il s'est filmé en train de griller un rat sur les grillades du resto. Oh ouais, c'est vrai, du coup, ils ont viré le mec, ils sont obligés de tout désinfecter et la vidéo vraiment a causé beaucoup de problèmes. Ici, un rat, il l'a vu passer dans la cuisine, il l'a chopé, il s'est dit tiens, je vais le faire griller. Aïe, aïe, aïe, mais tu peux mourir en plus en bouffant un rat. Non, mais je te jure, c'est vrai. Je crois que c'est le truc qui ramène le plus de maladies. Oui. Tiens, Sylvain, le rat. Non, on peut dire que c'est une rat-tatouille. Ah voilà. celle-là, elle peut rentrer. Non, elle est nulle. Si c'est Gad Elmaleh, tout le monde applaudit. Ah, ouais. Merci, Sylvain. Merci pour moi. Et mon petit Rico, j'espère au moins qu'ils ont pu le goûter pour savoir quel goût ça a. Ah, bah écoute, je sais pas. J'espère qu'ils l'ont mangé. En tout cas, moi, le cuisinier qui me flingue le resto, je lui fais bouffer. Ah bah là. Là, je lui dis, tu me manges le rat. Il paraît que la terrine de rat n'est pas mal. Non, mais là, t'es obligé. Le rat à Grondin n'est pas mauvais. Ouais, ou tu fais, si tu t'appelles Sylvain, tu peux faire un rat à goût. Ouais, on s'applaudit. Non, mais c'est Gad Elmaleh, on applaudit. Si c'est Gad, ça rentre, ça. Ouais. Si c'est Gad, ça rentre. Les amis, je vais vous parler d'un truc de ouf. Il y a un Thaïlandais de 12 ans qui a acheté une maison pour ses parents. Oh, non, mais c'est vrai, le gars, en fait, il cartonne sur les réseaux sociaux. Il est suivi par plus de 300 000 personnes. Et du coup, avec l'argent récolté, il a offert une maison. Il est connu pour ses transformations, il aime bien s'habiller en drag queen. D'accord. À l'âge de 12 ans. Mais d'accord. Franchement, vous, à 12 ans, qu'est-ce que vous avez fait de bien pour vos parents? Moi, j'ai déjà retapé 4 fois. Non, t'as retapé ou t'as changé d'école? Non, j'avais changé 4 fois d'école déjà. T'as été viré 4 fois? Ouais, déjà 4 fois. C'est pas vrai. Donc ma mère, elle m'a dit, je crois qu'on va changer de fils, quoi. Oh putain. Et il paraît que le recteur, il avait une horloge parlante qui lui disait combien de temps avant que Sylvain dégage de l'école. Il attendait ses 16 ans. À ses 16 ans, au rectorat, ils ont fait péter le champagne. Ils se sont dit, oh le bonheur à l'académie de Vesoul, tu sais. Et yes, on n'est plus obligé de le supporter. Non, mais sans déconner, Guillaume, t'as fait quoi, toi, de bien à 12 ans? Qu'est-ce que t'as fait de bien, toi, franchement? Bien. Moi, qu'est-ce que j'ai fait de bien à 12 ans? Mais en fait, j'ai envoyé un petit courrier à mes parents. Ah ouais? Pour leur dire que tu l'es quitté. Une fois qu'il était long, courrier. Ah ouais? Non, en leur disant comme quoi je leur offrais un petit voyage pour aller sur une petite île à l'île de la Réunion. À 12 ans, c'est fort. Moi, par les emmerdes. Ah ouais, moi aussi, j'ai fait un truc de fou. J'ai dénoncé l'infidélité de mon père auprès de ma mère. Oh waouh! Et les amis, du coup, moi, je préfère tout oublier. Angèle sur Énergie, les amis. Et puis, on arrive avec le Tinder de la peur sur Énergie. C'est là, c'est maintenant. N'existe pas sans son contraire. Qui qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon vie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me fait juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Eh oui les amis, on est dans le Rico Show sur NRJ, 20h, 23h. Sylvain vient de partir, il va récupérer cette jeune femme avec qui ça a matché ce week-end. Et elle va découvrir qu'il est recherché à la télé et vous allez assister au date en direct. Hein. D'ailleurs n'hésitez pas à commenter hashtag Rico Show sur NRJ. Sarah, tu nous as parlé qu'à l'âge de 12 ans, t'avais décelé l'infidélité de ton papa. Oui. Hein, et tu l'avais dénoncé à ta mère. Oui, tout à alors, fait. Alors c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui il y a une maman qui loue un papa pour sa fille. Non, c'est pas une vanne au Japon, c'est vrai. En fait, elle loue un acteur. Parce que sa fille se plaignait de ne pas avoir de papa. Ah ouais. Et en fait, le papa, la maman n'a plus de nouvelles. Et du coup, elle louait l'acteur, elle le payait 80 euros par jour, elle le paye encore. Et sa fille pense vraiment que l'acteur est le papa. Il lui dit des je t'aime comme s'il était le papa. Il l'accompagne à l'école comme si c'était le papa. Et il fait des activités. Et chaque fois qu'elle le voit, eh ben, il repart avec un chèque de 80 euros. Et lui joue ça. Ça fait plus de 10 ans qu'il est payé à jouer le papa. Mais c'est horrible pour la petite ou pour l'enfant. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Elle peut pas trouver un autre mec. Je sais pas, tant qu'à faire, c'est important. Bah, ouais, mais là, elle lui fait croire vraiment que c'est le ouais, c'est ça qui est horrible. En plus, le mec, il est payé pour ça. C'est ouf. Oh là et là. Apparemment, au Japon, ils ont pignon sur rue sur des trucs d'acteurs comme ça, de magasins. T'arrives pas à l'acteur, il joue ce que tu veux. Ah ouais. Moi, je trouve ça horrible. Mais est-ce que la femme utilise. Qu'est-ce qui le est mec pire? De tromper une femme, de laisser une femme célibataire ou une femme qui tente d'élever son enfant dans le bonheur? Attends, y a trop je pose là. La question. Non, moi, je préfère un père infidèle et qui reste. Minimum. Les gars, il y a débat, mais en tout cas, c'est sûrement pas la bonne solution. Mais ça arrive, ça fait flipper. Les amis, ça fait flipper. Oh. Je voulais vous donner cette news. Après, si t'en parles à Steven Potard, je pense qu'il sera le premier à partir au Japon. Après, pour faire à 80 euros par jour. Ah, me dit-on qu'il n'est plus sur le Date Tinder. Il est déjà parti. Orly. On retrouve Sylvain. Avec Yuko. En direct de Orly. Oh, les cons. Avec Yuko, ils sont déjà ensemble. Non, mais histoire de ouf. Allez, les amis, le Tinder de la peur arrive, c'est maintenant, on se fait une toute petite pub et on retrouve Sylvain chez lui, dans l'appartement avec son date, ça va être énorme, concept inédit et elle découvrira évidemment à la télé qu'il est recherché. À tout de suite les amis, c'est dans 3 minutes pour l'événement. Imaginez, Sylvain va piéger une inconnue qui pense le rencontrer chez lui pour trouver l'amour. En réalité, elle découvrira que lors de son rendez-vous amoureux, que le prince charmant n'est pas celui qu'elle croit. Comment ? Par la télévision, qui lui diffusera une bande-annonce pour l'annoncer recherché. Le Tinder de la peur, c'est maintenant sur Énergie. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Personne ne connaît son visage. Il y a des bruits qui courent sur un voleur. Le pouvoir ne le craint pas. Ce n'est qu'un pauvre petit voleur, rien de plus. Robin des Bois, Jamie Foxx, Taron Egerton. À présent, tu vas devenir un guerrier. Voleur sans foi ni loi ou rebelle au grand cœur. Robin des Bois, la légende est en marche. Le 28 novembre au cinéma, avec énergie. Black Friday. En français, c'est dit fait, c'est disco. In French, we say, c'est disco. En française, je s'appelle, c'est disco. In francese, si dice, c'est discount. Et voilà, Black Friday, en français, on dit c'est discount. Le meilleur du Black Friday, c'est maintenant sur c'est discount. C'est discount. N'économisez pas votre plaisir. Du 22 au 26 novembre, Black Friday, vendredi noir. Envie de devenir cinéaste, architecte, graphiste, styliste ou designer? Le Monde et Télérama vous donnent rendez-vous au START, le salon des formations artistiques. De nombreuses écoles et des conférences vous aideront à choisir votre formation. Le START, les 1er et 2 décembre de 10h à 18h à la Cité de la Mode et du Design à Paris. Inscription gratuite sur le-start.com. Gagnez sur énergie 1000 euros. En jouant avec Best of Logo, le jeu sur les marques du quotidien. Oh, merci, merci Manu, merci l'équipe, c'est super, merci beaucoup. Écoutez Manu dans 6-9 de 6h à 9h30 et remportez 1000 euros et le jeu Best of Logo. Energy, it's music only. Mardi, il est arrivé un truc fou à Jeanne et Alice. Elles ont vu un ptérodactyle se poser sur leur balcon. Hein? Mais le plus fou, c'est qu'elles mangeaient des pizzas larges Domino's à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€. Prix conseillé à emporter hors signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr. Bonjour, c'est Jean-Marc Morandini. Je vous donne rendez-vous en direct vendredi à 20h55 sur Énergie 12 pour un numéro inédit d'héritage consacré à Johnny Hallyday. Dans ce document exclusif, vous découvrirez les coulisses des négociations secrètes entre Laetitia, David et Laura. Vous comprendrez les rebondissements de cette affaire hors norme. Vous allez entendre des témoignages inédits. Héritage spécial Johnny, vendredi à 20h55, en direct sur Énergie 12. On en parle. L'armée de terre recrute et forme 15 000 soldats dans plus de 100 spécialités. On en parle aujourd'hui avec le capitaine Philippe, conseiller en recrutement dans l'armée de terre. On en parle. Dis donc, gérer son argent, c'est pas si simple. Comment tu fais, toi ? Moi, je m'informe pour comprendre. Je lis Le Revenu tous les vendredis et je suis toute l'actualité sur leur nouveau site, lerevenu.com. Mais pourquoi ? Bah parce que les conseils bourse et les placements du revenu sont vraiment indépendants, plein de bon sens et très efficaces. Avec Le Revenu, j'ai confiance et je peux gagner de l'argent. Le Revenu, partenaire conseil pour réussir vos placements. On a bien bossé ce trimestre. Oh, tu m'étonnes, on a tout donné. On l'a bien mérité, notre pack PlayStation 4 et le jeu Marvel's Spider-Man. Ouais, mais attention au budget. Je sais, et c'est pour ça qu'on va aller chez Leclerc. Leclerc ? Chez Leclerc, tu as 50 euros de remise immédiate et une deuxième manette offerte. Non ! Offre valable du 23 au 26 novembre pour l'achat d'un pack PlayStation 4 1 Tera Marvel Spider-Man. Bénéficiez de 50 euros de remise immédiate, plus une deuxième manette offerte. Soit l'ensemble à 299 euros au lieu de 408,90€. Voir modalité sur www.culture.leclerc. C'est le grand moment. C'est le Tinder de la peur. Eh oui les amis, c'est le moment que vous attendez tous. Tous les lundis, on se régale, on se fait plaisir avec ce Tinder de la peur. Notre ami Sylvain accueille une jeune femme chez lui et il va allumer la radio et il y aura évidemment eh bien une bande annonce, l'annonce en recherché avec une émission spéciale qui lui est consacrée. Ça va être énorme les amis, c'est toujours un kiff et c'est maintenant. Sylvain est d'ailleurs déjà avec la jeune femme dans son appartement. Oh là là. Ça discute et puis on aura les urgences du Rico Show. On a un copain qui a embrassé sa prof. Oh non. Il sait plus trop quoi faire. Oh là. Voilà, il va en parler. Et puis on a Manon, a priori sa meilleure pote a vu son mec sur Tinder justement. Oh. Donc on va parler de tout ça. Il y aura tous nos délires toutes les 15 minutes, un énorme délire, que ce soit un appel, que ce soit justement du délire où on accueille des personnes dans des faux apparts, dans des VTC, dans la rue. C'est comme ça, c'est le Rico Show sur Énergie. C'est votre kiff, c'est votre émission. On s'écoutera Promise, Dean Lewis et Dadju. Les hommes sont. Allez, on se connecte avec Sylvain les amis. On vous lit évidemment hashtag Ricochet sur énergie. C'est parti, notre Sylvain Potard est avec une jeune femme qu'il a sélectionnée sur Tinder. C'est. Allez. Parti, on se connecte. Bah c'est petit mais c'est douillet comme on dit, hein. Bah vas-y installe-toi, le canapé est assez grand pour toi, hein, je pense, hein. Oh non, hein, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pas sympa. Oh l'élégance du gars. Quoi neuf? Ah, laisse ta veste. Tu sais, je mets un peu de chauffage, c'est fait exprès, hein, c'est pour vous habiller, hein, comment dire. Il est fou. Oh non, je fais chauffage. Voilà. C'est chauffage, ouais, c'est pas moi qui paye l'électricité, donc je peux te dire que je mets à fond le chauffage. Bâtard. Hein. T'es bien ici? Bah écoute, ouais, j'ai acheté, là, je suis propriétaire depuis. Oh, ça va faire 6 mois là. Ouais, c'est pour ça que je suis encore dans les travaux là. On l'entend mal, hein, rapproche-toi. Ouais, ouais. Franchement, ça ne voit pas du tout, c'est très coquet. Ouais, je suis. Ouais, c'est mignon. Très mignon. Moi, ouais, je m'y vois déjà. Je m'y vois déjà, mais c'est quoi? Calme-toi. Ouais, ouais, il échauffe bien aussi au début. Je m'y vois pas maintenant encore. Bah, non, ça fait 6 mois que je suis solo. Ouais. Tu veux boire quelque chose en fait ou pas? Avec du soif. T'as soif? T'as grand soif comme on dit? Un petit café? Ok, alors attends. Je regarde. Pour une grande soif. Attention, il m'a dit il y a une surprise dans la boisson. Oh là. Sylvain m'a dit il y a surprise dans la boisson. Ouais, tu vas voir, je lui fais un petit kiff. Il a mis quoi ce côté? Il est tout chaud. Hein. Tiens, il est tout chaud. Attends, de bruit pas, attention, hein. Attention, il a 37,5. C'est bien cette température-là. La température du. C'est chaud. C'est chaud, hein. Attends. Tu me dis. Quoi? C'est l'unicelle. Oh le bâtard! Il y a du sel! C'est salé! Il est pas bon! Il y a du sel là! Attends, attends, je goûte! Oh le bâtard, il avait du sel! Ah, ouais, il va se barrer, les gars! Attends, mais attends, je vais mettre du sucre! Non, bah il est mort, ton kawa! Pour non, équilibrer. Mais sucre salé, t'aimes pas le sucre salé? Pas sucre sans sel! Sans sucre, sans sel? Ah, t'aimes la nature, toi! Hein. Ah, nature peinture, comme on dit! Oh non! On va mettre de la peinture alors! Ah, non. Oh non, pas ça! Heureusement, c'est de la peinture à l'eau! Non, mais écoute, ça fait plaisir de te voir, hein. Franchement. Moi aussi. Eh, mais t'es super charmante. C'est beau. C'est vrai? C'est beau. Aussi beau que sur la photo. On me dit souvent que je ressemble à un dieu grec. Oui, c'est vraiment le cas. Hein. C'est le cas? T'as des muscles incroyables. Un dieu grec. Ouais. Oh, bah là, je suis en pleine sèche, hein, par contre. Hein. Oh là. Ouais, je suis en régime. C'est-à-dire que. Ouais, ouais, il est en transpi, quoi. C'est pour ça que je peux rien te filer à bouffer parce que je mange plus, en fait. Oh non. Ouais. Moi, ouais, je suis en sèche totale. Ah, t'as mangé? Oui, mais c'est vrai? Ah ouais. T'aimes bien? J'aime beaucoup. Par contre, je te vois très très court, là, au niveau de la jupe, là. Oui. T'as pris ton labello, j'espère, parce que. Avec quelle lèvre? Bah avec ce froid là Non, il est dégueulasse là. Bah non mais je dis ça voilà par ces temps là il fait un peu frais quoi. C'est une blague. Hein? Tu m'as dit t'as pris ton labello. T'as une jupe courte, t'as pris ton labello. Non mais je baisse le chauffage. C'est quoi la vanne du labello? Là t'as la chaud, elle en peut plus. Elle dit tu peux pas baisser le chauffage. Les amis, c'est énorme ce titre d'or de la peur. Ça continue et puis il va allumer la télé pour l'annoncer recherché. Je sais pas vous, dites-moi hashtag ricochose sur énergie. Je suis en pleurs moi. J'en peux plus, c'est une barre de rire. Là si t'as un labello, c'est habillé trop court, est-ce que tu vas gercer? Il est fou ce mec. Il est malade. Allez, promise. Are you drunk or not? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love. So tease me. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. C'est le Tinder de la peur et on se marre bien. Imaginez, Sylvain va piéger une inconnue qui pense le rencontrer chez lui pour trouver l'amour. En réalité, elle découvrira que lors de son rendez-vous amoureux, que le prince charmant n'est pas celui qu'elle croit. Comment ? Par la télévision, qui lui diffusera une bande-annonce pour l'annoncer recherché. Le Tinder de la peur, c'est maintenant. Sur Énergie. Eh oui les amis, c'est maintenant et c'est vrai qu'on se régale. On se régale avec Sylvain qui a accueilli sa prétendante du soir. On sait même pas son prénom, non ? Ah ben non. Non, on l'a pas eu. On va faire en sorte qu'il le prononce. Ah hein. Oui. On se régale vraiment au fil des actions. Ils sont bien installés. Il lui a servi un café salé. Il lui a dit qu'il faisait froid dehors et donc le labello, hein, au cas où elle se... Voilà, elle aurait les cuisses gercées, voilà, hein, serait de rigueur, la grande classe. Hein, et puis il se prend aussi pour un dieu grec, ce qui exaspère Elisabeth. Hein, sur le hashtag ricochose sur énergie, Amélie dit toujours un vrai kiff. Derrière, on parlera évidemment avec Samy qui est amoureux de sa prof. Ils sont embrassés, il sait pas quoi faire. Voilà. Et puis on a Manon qui a sa meilleure pote, qui lui a dit j'ai vu ton mec sur Tinder. Oh, ah, ça, c'est là. Justement, c'est l'angoisse. Et puis derrière, on se fera l'appel police et plein de kiff. Tous les quarts d'heure, les amis, restez bien avec nous. On est là pour kiffer. C'est votre émission, on est votre famille. On y va, on se connecte avec Sylvain. Allez. Allez, c'est parti. Ah, mais tu sais qu'on a un point commun tous les deux. Ah oui ? Lequel ? Tu veux vraiment que je te le dise ? Oui. c'est que tu viens les mains vides aussi. C'est que quoi ? Tu viens les mains vides. Ah non, l'enfoiré. Oh, tu viens avec le sourire. Hey, je la connais cette technique, hein. Il est bien fait. Hein. Hey, le sourire, il est bien là. Non, mais t'as raison. T'as raison, mais c'est moi. Eh, je fais la même. J'économie. Ouais, c'est vrai, ouais, je suis genre. Attends, tu vois, chez les gens déjà. Oui. Déjà, ils sont contents qu'on vienne. Alors pourquoi on doit ramener quelque chose à la base ? Qu'ils se comprennent. Hein ? Non, c'est vrai. T'étais pas dans le même délire, toi ? Oui, je suis d'accord. Non, franchement, moi, je suis pareil. Tu m'as invité, tu es venu. Bah ouais, non, mais ça. Tu es là. On est là. Je sens que c'est caliente tous les deux. C'est le moment d'apprendre à se connaître. Ouais, c'est ça que j'aime. Moi, j'aime apprendre les gens, mais j'aime apprendre. À te connaître, mais plus profondément, tu vois. Je suis plus... Il est en profondeur. Moi, je suis comme une baleine, moi. Ouais, je suis une grosse baleine. J'aime bien visiter, tu vois, les profondeurs des abîmes, comme on dit. Oh non, oh, c'est horrible. Décris-la nous, il faudrait qu'on sache comment elle est, cette nana. Ouais. Eh, mais d'ailleurs, toi, tu fais comment pour choper sur Tinder, toi ? C'est quoi ta technique ? Je fais attention les muscles. Ah, t'aimes bien les muscles, toi. Ah ouais. Ah ouais. J'adore les muscles. Ah ouais, je vois ça. Ah ouais. Tu vois, tu sens le... C'est pas le cerveau, on sent. C'est sûr. Hein, c'est beau. Hein. T'as vu le pec comme il bouge un peu ? Oh là là. J'arrive à faire le gauche et le droit. J'arrive à faire le gauche et le droit. J'ai trop envie. Ah ouais. T'as vu ça ? Non, parce que moi, j'ai une bonne technique, moi, pour choper sur Tinder. Oui, c'est ça. Attends, il est avec son date et il explique. Grave, il est chelou. Passe à l'action. Tu connais ? Avec moi aussi ? Tu connais la technique du chalutier ? Non. Tu connais pas la technique du chalutier ? Ah oh, bah tu likes sur tout ce qui bouge en fait. Oh, mais il est fou ce mec. Quoi. Ça me déçoit. Ouais. Non mais je rigole. Et toi ? Non mais attends. Attends, je vais t'expliquer parce que là on revient à un mouton. Mais franchement toi, quand je t'ai vu, oui. J'ai mis au moins 4 secondes. J'étais en blocage. Ah, 4 secondes. C'est précis. Hein. J'étais en blocage total. Ça, ah ouais, franchement, tu ressembles à mon ex comme deux gouttes d'eau. Mais... Oh là là, mais tu exprès là. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle de ressembler à ton ex. Mais... Bah attends, déjà, si tu ressembles à mon ex, c'est-à-dire que voilà. C'est physiquement, tu me plais. Là, elle peut dire bon, on retourne avec elle. T'es flatté ? Ouais, mais je crois que. Je crois qu'elle est sur le muscle. Le muscle. Ça, c'est sûr. Bah non, mais sinon, voilà, t'as vu, moi, je suis. J'aime bien. Tu sais, je suis un gros romantique, moi, là-bas. Oui. On dirait pas comme ça, tu sais, je suis un peu. J'ai tout de suite senti, j'étais romantique, oui, avec le remis. Ah, tu sens le petit côté romantique ? Ah oui. Et franchement, j'ai vraiment tes yeux quand tu me regardes. Vas-y, vas-y. Bah, je sais, hein, j'ai les yeux revolver, qu'on m'appelle. Oh oui. Ça dégaine à tout, là. Oui, il a les yeux pistolets. Mes fils. Papa, bah,

Espagnol italien, tu es? Ouais, je suis comme si, comme ça. Comme je suis. Mais il parle espagnol, il parle italien. Ah, te quiero, c'est espagnol. Ben oui. Ben oui, il a plus tout à l'heure qu'il dit italien. La chante mi canta. Oh putain, il parle italien. Et la mer est soprano. Oh non. Et saxo vigno sono. Et la piano spicciono. Allez, one, c'est quelle danse. Oh, et ça danse, ça chauffe. Hein. Chante qui me criaio. Oh là là. L'italien. L'italien, mais. Hein? Tu sens le dieu grec, hein? Tu sens le dieu grec. Ouais, là, je suis proche. Hein. Tu sens qu'il monte un peu le dieu grec. Non, non, non. Tu le sens, bah. J'ai le trident, là, je te dis, le trident, il est au matin. Oh non. Je m'appelle Poseidon. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Il va se calmer. C'est gênant là, ouais. Ah ouais, il va se calmer. Hein. Pendant la pub, ça va. Là, t'aimerais quoi, toi? Hein? T'aimerais quoi? Italien, on continue. T'aimerais faire l'amour sur quoi, toi? Non, je ne veux pas assister à ça. Podini, t'aimes bien Podini? J'adore. Oh non, Podini, on dirait des raviolis, mon frère. Podini. Tu as le malarin. Podini à la garbo. Tu danses avec moi. Oh, attends, là. Il est comme ça. J'ai chaud. C'est énorme. Oh là là, Carola, paraghetti. Oh, quelle langue il parle. Allez, range ton spaghetti là, c'est quoi? Je crois qu'il va finir en polonaise là, tu vois. Allez, ce moment avec toi. Si on pouvait continuer toute la nuit, c'est trop bien. T'as vu la playlist? Pas mal, hein? J'ai tout à. Là, on peut toute la nuit comme ça. Toute la nuit, on peut faire ça. Ah, j'adore. Allez Sylvain, ça y est, c'est fini les amis. On l'annonce recherché. Sylvain, écarte-toi, je lui envoie un petit texto pour lui dire de s'écarter. On va le prendre à part, on va faire le point et on balance la bande-annonce tout de suite. On l'annonce recherché. Mon Sylvain, je lui envoie le petit message. Voilà, mets-toi de côté mon petit poulet. Voilà, on va prendre des nouvelles de lui et on va savoir comment ça se passe. J'ai l'impression que ça m'asserre. Ah mais là, pire que ça. J'ai l'impression que ça m'asserre. Sylvain, est-ce qu'il est là? Je me fais une petite fraîcheur. Je me fais une petite fraîcheur et... Oh là là, oh la fraîcheur. Attends, bouge pas. Tu sais, le spaghetti, il faut toujours le mettre... Oh, ça va. C'est bon. Mais elle aime, hein. Bouge pas. Bouge pas, j'arrive. Continue à danser. Ah, vas-y, danse, Bella, hey. Elle est ouf, elle. Sylvain. J'arrive, bouge pas. Eh, t'es énorme. Eh, il est chaud, lui. Ah ouais. Et là, il est en feu. Mais là, on est plus là pour lui, hein. Sylvain. Allez, attends. Sylvain. Ouais. Ça dit quoi? T'es chaud, là. T'es chaud de ouf, hein. Je suis pas sûr d'en revenir, Rico. Moi, je te le dis. Ah ouais? Non, mais c'est quoi ce délire? T'es comme un ouf, hein. Elle est chaude de ouf. Mets-moi la main au paquet et tout. Elle me met la main au paquet. Oh non, j'oublie. Calme-toi. Je te jure. Mais c'est pour ça. C'est un peu tendu. Hein. Ah ouais, d'accord. Je comprends. Ouais. Elle tire sur la corde. Là. C'est qu'à de dire. Ok, mon Sylvain, tu bouges pas. Donc, tu te planques. Je balance une petite pub. Il y en a pour 3 minutes. D'accord. Derrière, tu ne sors pas. Je balance la bande-annonce de ton téléviseur pour t'annoncer recherché. D'accord. Je vais lui mettre les clips. D'accord, tu mets les clips et de toute façon, elle va arriver la bande-annonce il y a à peu près 3h30, ok? Ouais. On va l'annoncer, recherchée dans toute la France, elle va la prendre à la télé, et là je peux vous dire que ce sera plus du spaghetti là. Ah là, ça du fromage pourri là. Je peux te dire que là, c'est vraiment l'amour à l'italienne. Sylvain en train de piéger sa compagne, derrière on aidera Samy, les amis, qui a embrassé sa prof, il sait pas trop quoi faire. Ouais. Et puis on aura une copine du Ricocho qui a eu vent que son mec était sur Tinder, justement. Et puis on se fera l'appel police, canular énorme, les amis, bougez pas, c'est la fin du Tinder de la peur, et ça s'annonce énorme. Venez assister au concert de la superstar énergie. This is your pinkness. This is pink. Écoutez énergie toute la journée. Energy. My station. Dès que vous entendez le double hit énergie. Avec deux titres de pink à la suite. What about us? appelez Énergie 3937. J'ai entendu les double vies. Et gagnez vos places avec Transport et Hôtel pour le concert de Pink à Paris le 3 juillet. Are you ready? Avec la radio partenaire des plus beaux concerts en France, c'est Énergie. Hit music only. On en parle. L'armée de terre recrute et forme 15 000 soldats dans plus de 100 spécialités. On en parle aujourd'hui avec le capitaine Philippe, conseiller en recrutement. Alors mon capitaine, quels sont les profils concernés ? Eh bien ce sont des jeunes gens qui ont entre 17 et 32 ans, des hommes et des femmes, avec ou sans diplôme et qui ont envie de devenir militaires et qui sont motivés. D'accord. Et qu'est-ce que l'armée de terre leur propose ? Eh bien concrètement, de vivre une expérience humaine, d'affiner leurs connaissances avec une formation spécifique et approfondie dans des domaines techniques comme la logistique, la informatique, la maintenance par exemple. Ah oui, de nombreuses spécialités. Oui, en fait l'armée de terre c'est un vrai tremplin pour débuter sa vie professionnelle. Trois quarts des militaires trouvent un travail dans le civil au cours des six mois après leur départ. Et quelle est la marche à suivre pour les futurs candidats alors ? Eh bien de venir dans un centre de recrutement avec leurs questions et de la motivation. Oui, c'est important. Merci capitaine Philippe. Et pour en savoir plus ? Alors toutes les infos sont disponibles sur notre site s'engager.fr. On en parle. Leclerc. Maman, qu'est-ce que tu fais avec mon jambon ? Je regarde. Jambon cuit supérieur sans coin, stratilège de marque Repère, porc français, né, élevé et transformé en Bretagne. Et avec 50% de ticket Leclerc. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 27 novembre au 8 décembre, le paquet de 6 tranches de jambon supérieur stratilège de marque Repère de 270 grammes origine France est à 2,92€, soit 10,81€ le kilo. Avec en plus 50% en ticket Leclerc. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Un régal. Pour votre santé, évitez de grignoter. On a bien bossé ce trimestre. Oh, tu m'étonnes, on a tout donné. On l'a bien mérité, notre pack PlayStation 4 et le jeu Marvel's Spider-Man. Ouais, mais attention au budget. Je sais, et c'est pour ça qu'on va aller chez Leclerc. Leclerc ? Chez Leclerc, tu as 50€ de remise immédiate et une deuxième manette offerte. Non ! Offre valable du 23 au 26 novembre pour l'achat d'un pack PlayStation 4 1 Tera Marvel Spider-Man. Bénéficiez de 50€ de remise immédiate, plus une deuxième manette offerte. Soit l'ensemble à 299€ au lieu de 408,90€. Voir modalité sur www.culture.leclerc. Mardi, William a été témoin d'un truc fou. Il a vu passer une licorne, mais une vraie, hein. Mais le plus fou, c'est qu'il sortait de chez Domino's avec une pizza large à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€. Prix conseillé à emporter hors signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr. Chez Leclerc, nos forfaits mobiles s'appellent Réglo. Et c'est Réglo sur toute la ligne. Un nouveau forfait avec appel, SMS, MMS illimité et 40 gigas d'internet à 9,95€ par mois sans engagement, c'est Réglo. Et vous avez la possibilité de faire appel à un vrai service client en magasin. Alors soyons Réglo. Mobile. Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur reglomobile.fr. Offre soumise à conditions consultables sur le site. Mama said, don't give up, it's a little Sylvain va piéger une inconnue qui pense le rencontrer chez lui pour trouver l'amour. En réalité, elle découvrira que lors de son rendez-vous amoureux, que le prince charmant n'est pas celui qu'elle croit. Comment ? Par la télévision, qui lui diffusera une bande-annonce pour l'annoncer recherché. Le Tinder de la peur, c'est maintenant sur Énergie. Eh oui les amis, on est avec vous sur Énergie jusqu'à 23h, c'est un kiff. C'est un kiff, franchement, on va se faire les urgences du ricochet au Manon à Uvanc. Son mec était sur Tinder. On parle justement de Tinder puisque Sylvain est avec son date depuis un quart d'heure. Ça se passe bien, ça dragouille. Il était tellement chaud avec qu'il lui a dit écoute, je vais me laver, je vais me nettoyer. En fait, il est en ébullition. Elle se prépare à recevoir le dieu grec, comme il se surnomme. Ils sont dans l'appart de Sylvain et ça chauffe. Et ça chauffe. Ouais. Mais là, ça y est, elle va allumer la télé puisque Sylvain lui a mis les clips et une bande-annonce très claire va l'annoncer recherchée. Puisque crime voilà, sera sur Sylvain. Et ça traque, un peu comme faites entrer l'accusé. C'est énorme ce que vous êtes en train de vivre. On écoute Sylvain et ce qui se passe dans l'appartement. Ça va mon Sylvain? Ouais, ça va. Je suis dans la salle de bain. Ouais, je suis dans la salle de bain, là. Bon, c'est un peu long, hein. Elle va croire que j'arrive. Hein. Ouais. Ouais, j'arrive, chérie, t'inquiète pas. Chérie, ça y est, elle est déjà installée. Elle est en dessous, là. Elle est en dessous et tout. Elle est en nuisette. Elle est en nuisette et tout. C'est pas vrai, elle s'est changée? Je te jure, elle est en nuisette léopard. Elle a mis une petite nuisette léopard et tout. Arrête, attends, c'est bien comme thème, ça. C'est bête, ça va servir à rien. Elle commence à avoir froid, elle commence à avoir froid. Elle commence à avoir froid. Attends chérie, bouge pas. Chérie. Ah ouais, elle a froid, elle veut. Ah ouais, ok, j'ai compris. Aïe, aïe. Ok, tu allumes à distance la télé avec le flash ou c'est en cours? J'ai la télécommande, attends. Attends, je te mets les clips. Vas-y, voici ce qu'elle va entendre. Je vais vous mettre ce qu'elle va entendre en même temps. C'est énorme, les amis. Ce soir, les équipes de crime mènent l'enquête sur les traces du terrible Sylvain Potard. Il aurait été aperçu par plusieurs témoins dans le 16e arrondissement de Paris. Nous ferons un point sur cette enquête hors norme et sordide. C'est ignoble, hein, c'est de la barbarie. Il y a eu un acharnement comme ça sur lui, et dans quelle situation il a pu se mettre pour en arriver là. Malgré tous les crimes qu'il a commis, Sylvain Potard reste aujourd'hui introuvable, un véritable fantôme. Alors quand frappera-t-il de nouveau? Si au cours de l'émission, vous le reconnaissez, n'intervenez surtout pas vous-même. Appelez le numéro vert mis en place spécialement 0800 70 42 48 car cet homme est extrêmement dangereux. Il va surprendre les enquêteurs, c'est la sauvagerie. Crime, la traque du terrible Sylvain Potard, c'est ce soir sur Énergie 12. Ça y est, elle est au courant, on écoute la réaction dans le salon. Ça c'est le micro du salon, ça c'est le micro de Sylvain. Ouais, attends, je vais rentrer. Attends un peu. On écoute, on est connecté au salon aussi. Elle t'attend. Elle a pas compris, elle a pas vu. Elle a pas vu ou quoi? Attends. Elle fait quoi là? Elle attend. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte! Elle m'a gazé! Non! Oh non, elle a une gazeuse! Elle m'a gazé! S'il vous plaît! Voilà, bien fait! Bah, dis-lui que c'est une blague, vite! Attends un peu! Attends que ça soit sûr! Nico, je veux plus rien! Oh putain, t'as gazé dans la tronche! Je veux plus rien, putain! T'as dû avoir l'habitude des dates, elle! Ah ouais, quand t'as la gazeuse dans le sac, c'est que. Toujours. Attends! Mais dis-lui que c'est le mal! C'est le mal! Aïe! Bah ouais, mais bon, si tu vois rien, je sais pas ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait? T'as les voisins, ils vont se pointer. Ah oui, c'est sûr. T'en vas se ficher. Bah dis-lui, madame, vous m'entendez, madame? Ça fait mal à gazeuse en plus. Madame, vous êtes en direct à la radio, c'est une vanne! Ouais. Prévenez votre frère, votre soeur, vos potes. Et même votre chien. Le Rico Show. 20h, 23h. Sur Énergie. Vous êtes en direct à la radio! C'est une vanne, madame! Sylvain n'est pas recherché, c'est une vanne. Ça va? Waouh, vous êtes des fous, je viens de le faire du mal. Tu fais du mal. Sylvain, ça va, frérot? Mon cœur, je vais mourir, les gars. Non, je vais mourir. Oh là là. Sylvain, ça va, Sylvain? Il dit plus rien. Je veux plus rien. C'est chaud, la gazeuse. Non, non, on va mettre de l'eau. Viens. Non, oui, surtout pas d'eau. Surtout non, pas d'eau. Non, il faut pas d'eau. Non, non, surtout pas. D'accord. T'as fait les manifs, toi. Je me suis pris. T'as, c'est ouf, ça va, mon Sylvain. Ouais. Ouais, il faut des gouttes là. On faut aller à la pharmacie, on va trouver ça, frérot. Elle t'a gazé comme il fallait. Désolé de rigoler, mais. Pardon. Et vous avez toujours une gazeuse, madame, sur vous, quand vous allez en date? Oui, en fait, problème comme aujourd'hui. Ah ouais, oui. D'accord, j'imagine. Bah là, il y avait. Ah ouais, c'est ouf. Allez, on va laisser Sylvain récupérer, on va prendre des nouvelles de lui tout de suite et de ses yeux. Restez bien avec nous, mais on se met, tiens, be alright, les amis. Et puis après, on aide justement Manon, sa pote, à griller son mec sur Tinder. Et il y aura le canular de la nuit. Tiens, on va discuter un peu avec la meuf et avec Sylvain et ses pauvres yeux là. Allez, vous commentez, hashtag Ricochot sur Energy. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand, but it's cold. You pull away again, and I wonder what's on your mind. And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk. Allez, on ouvre les urgences du Ricochot. Le Ricochot. Le Ricochot. C'est votre émission. Alors, passez à l'antenne. Passez à l'antenne. 0870 42 48. Et grâce à Sylvain Radin, l'appel est gratuit. On dit merci qui? Le Ricochot. 20h, 23h. Sur Énergie. Notre pauvre Sylvain qui s'est fait gazer la tronche là. Ouais. C'est vrai, elle a tout préparé en cas d'agression, nous dit Ariel. Les femmes savent se défendre. Oui. Pauvre Sylvain. Nous dit Elisabeth. Putain, le mec s'est fait gazer. Quoi? Nous dit Félix. Je m'en doutais qu'elle allait sortir une bombe. Elle réagissait comme si de rien n'était. Après la bande-annonce, c'était trop chelou. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, c'est fort. Vous avez raison, les filles, de vous prémunir en cas de dingue comme ça et voilà, ouais. D'avoir un petit truc sur vous. J'en avais une toute rose et ma mère l'avait pris pour mon déodorant, la pauvre. Non, ouais. Je te jure. Ah, les ailes qui ont couiné. Pour une fois, elle avait les yeux qui pleuraient, mais pour une mauvaise raison. Parce que d'habitude, sans, elle pleurait aussi. Oh, oui. Ça ne changeait pas, elle avait les yeux qui pleuraient. Elle avait les aisselles qui sentaient l'oignon, ça. Ça n'a rien changé. Le canular de la nuit arrive dans un quart d'heure. On va piéger la mère d'un copain du Ricochot. Son fils est en garde à vue, hein, d'accord, à cause d'objets revendus, d'objets coquins, mais spécial, hein, à base de poils de bison pour allonger le pubis. Ah ouais. Je vous expliquerai et on va expliquer ça à sa mère. Elle doit dire que les objets lui appartiennent. Génial. En tout cas, si elle veut que son fils sorte de garde à vue. Les urgences du Ricochot, on récupère Manon qui a fait le 0870 42 48. Ça va, Manon? Ça va, et Salut Rico, ça va et toi? Salut ma poulette, qu'est-ce qui se passe Manon? Salut l'équipe. Eh bien, moi en fait, ma meilleure amie m'a dit que mon nouveau mec était sur Tinder alors qu'il était censé avoir supprimé l'application. Ok, on en parle Manon, et il y a Samy aussi qui a un souci, ça va Samy? Oui, ça va Rico et toi? Salut mon poulet, qu'est-ce qui t'arrive mon Samy d'amour? Moi, bah, concrètement, si tu veux, je suis in love de ma prof. Mais le problème, c'est qu'on s'est embrassé et il y a du froid, donc je sais pas comment réagir. Ah ouais, voilà, t'es en angoisse. T'as 25 ans, Samy, t'es en quelle classe? Bah là, je suis à la fac en deuxième année, si tu veux. T'imagines, il te dit terminale. Non, mais moi, blague à part, je suis sorti avec ma prof. Non, quand même. Ah ouais. Moi, je suis sorti en terminale avec ma prof d'espagnol. Mais t'avais quel âge? Je vous ai raconté, j'avais 17 ans. Ah ouais. Mais c'est grave. Ah, on s'était pécho, Consuelo, on avait fait l'amour. Mais je vais aller porter plainte. Pourquoi? Mais elle est grave, elle a abusé de toi. Ah bah non, elle a pas abusé de moi, j'étais bien content. D'ailleurs, s'il y avait qu'on se fasse une paella. C'est le mec qui devient dingue, JM. Non mais ça se fait de plus en plus, il y a eu une grosse histoire à Marseille. En fait, c'est une prof qui a envoyé des photos d'elle, des nudes à des élèves. Sauf qu'ils s'en sont servis pour la faire chanter, pardon. Ouais. Et au final, c'est parti en couille. Ouais, du coup, il couchait avec elle et tout la prof. C'est-à-dire qu'au début, elle a eu un rapport avec un des élèves. Ouais. L'élève l'a pris en photo. Ouais. Et après, ils ont dit, écoute, si tu couches pas avec mes potes, on va balancer les photos. Ça, c'est affreux. C'est dégueulasse. Ça, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Mais c'est vrai que de plus en plus, j'entends parler de relations. Regardez Macron. Macron et Brigitte. Brigitte, c'était la prof de Macron. Mais oui, c'était, c'était sa prof. Ouais. Après, il a pécho, il est sorti avec elle, elle avait un mari et tout. Ah ouais, elle a tout quitté. Elle a tout quitté pour Manu. Et on banalise ça normal. Et bah, de plus en plus. Donc, Samy, pas de stress, on va en parler, bougez pas. 0870 42 48. Moi, ça m'excite toujours ces relations prof-élèves. L'interdit. C'est mon film X préféré. C'est vrai, la culture contre le vide. Ah ouais, c'est fort. Qui est le vide? Qui est la culture? À ton avis. On va le remplir, le vide. Tiens, Manon, du coup, ta meilleure pote t'a dit que ton mec était sur Tinder, mais est-ce que t'es sûr que ta meilleure pote elle veut pas créer une angoisse dans ta relation? Ah non, elle m'a montré. Ah, elle t'a montré? En fait, j'ai la preuve et. D'accord. Mais c'est son profil, c'est sûr, c'est pas un fake qui s'amuse ou son pote qui met une photo. Est-ce qu'il y va vraiment dessus? Est-ce qu'il a pas créé il y a longtemps et genre le profil est encore visible? Non, je pense pas, parce qu'on l'avait supprimé ensemble de base, parce qu'on s'est rencontré dessus. Hein, donc D'accord. On l'a supprimé ensemble quand on était ensemble un soir. On s'est dit, on supprime, on en a plus besoin, ce qui est logique au bout de 6 mois de relation quand même. Et finalement, elle me montre ça, elle me téléphone, elle me dit, écoute, faut que je te montre un truc. Et elle est venue à la maison, elle m'a montré la chose. Donc moi, du coup, je sais pas quoi faire, je suis vraiment hyper en colère. Fais-lui un Tinder de la peur. Mais oui, c'est bien, surtout comme celui-ci, il était mais énorme. T'es un amour, Manon. Bah écoute, on va lui envoyer Sarah, t'inquiète pas. On va s'occuper de la personne. C'est Sarah qui fera le Tinder de la peur. On va lui mettre une correction. Non, mais c'est ouf cette histoire. Non, mais mine de rien, moi j'ai déjà résolu une sorte d'affaire comme ça. Ah ouais? Ma cousine, affaire sombre. Ouais. Non, ma cousine Sonia, je balance son blaze. En fait, elle m'avait dit que son mec n'avait pas de Facebook. Sauf que moi j'avais vu sur Facebook, j'étais convaincue. Et elle m'a dit, mais arrête tes conneries. Et je lui montre, et c'était son mec. Ouais. Avec un autre blaze, un autre nom. Oh là là. Et du coup, je lui ai dit, alors, on crée un faux profil Facebook et on lui parle. Ouais. Donc, on commence à le draguer, lui répond et on lui demande son Skype pour faire un petit vidéo, tu vois. Et donc, il donne son Skype. Et là, donc, à la vidéo, il allait voir donc, ma cousine et moi en mode vénère. Ouais. On allume le Skype, ça sonne. Et là, on voit quoi? Son zizi. Oh le mec a montré son zizi et a vu Sonia, ma cousine, et moi. Il a éteint tout de suite en panique. Wow. Il s'est mis sur messagerie. C'était la grosse guerre. C'est pas vrai. La grosse guerre. Est-ce qu'il a pris la queue à son cou? C'est ça. Écoutez, les amis, venez aider Manon et Samy. 0870 42 48. Sylvain est en train d'arriver. On va débriefer de tout ça. Let up, bitches. I've gotta wait in line. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Later, bitches. later, bitches. Allez les amis, Rico Energy pour nous ajouter sur Snap et c'est les urgences là. Ah, quand tout va bien, il y a tout le monde. Mais quand ça ne va pas, il y a qui? Eh ben personne. Ah si, si si, eux ils sont là. Le Rico Show, 20h-23h. Sur Énergie. Eh oui les amis, et on va se faire un énorme kiff. Hein. L'appel police arrive dans 10 minutes, ça va être un régal de dingue. Vita et Slimane arrive. David Guetta. Et Shotgun. Tiens, on se mettra Big Flo et Oli aussi. Sylvain est de retour de son Tinder, ça va mon Sylvain? Ouais, oh, t'as les yeux rouges frérot. Ouais, c'est chaud. Ah ouais. T'étais alors chaud, t'étais excité? Ah bah elle m'a déchauffé direct. Ah là c'est... Ouais en fait je suis rentré, ouais. Elle s'était planquée derrière la porte tu vois. D'accord. Et en fait au moment où j'ai ouvert, elle m'a gazé direct. Direct. Aïe, aïe, aïe. Direct. Direct. Putain, c'est ouf ça. Ah ouais, direct dans la... Dans... Si vous le rejoignez, Sylvain a accueilli son date hein, chez lui à la maison et puis il a passé une bande-annonce où on l'annonçait recherché et derrière t'as gazé quoi. Ah ouais, je voyais plus rien. Je voyais plus rien. C'est horrible, ah ouais, bah, comme télé. Ah ouais, ouais, là t'as les yeux frérot. Ferme-le, attends. Ah ouais, ouais, t'as les yeux rouges, ça. Chaud. Vous êtes dur avec lui, moi je trouve que ça lui va pas si mal les yeux rouges. Moi je me dis surtout qu'il a pas volé. C'est ça. Qu'il a pas volé celle-là. On essaye d'aider Sylvain et vous qui nous écoutez là. Manon, en fait, sa meilleure pote a vu son mec sur Tinder. Ça y est, c'est avéré. Son mec, en fait, il est sur la plateforme. Sylvain, t'en penses quoi? Non, mais après, attention, tu peux être sur la plateforme ouais, et pas être actif. Ah, est-ce qu'il est actif, Manon? Est-ce qu'il est actif ou est-ce qu'il est passif? Exactement. Moi, il était, oui, moi, elle m'a dit qu'il était connecté quand elle l'a vu. Donc, Sylvain, personnellement, et puis bon, il a rien à faire dessus quand même. Ouais, surtout qu'ils ont supprimé avant ensemble le Tinder. Sur Tinder, c'est faux parce que tu peux pas voir quand t'es connecté ou pas. Ouais. Donc tu peux voir la photo effectivement, ouais, mais tu peux pas voir s'il y a un point vert ou rouge. Oui, sur mais il le a Tinder. Recréé, c'est ça le problème. Il ouais, a il a recréé, il a ouvert le et puis. Le problème, c'est que c'est ça, voilà, il a recréé quand même un compte. Moi, si je fais ça, mais c'est même pas la peine. Je m'attire, c'est fou. Pose-toi les bonnes questions. Moi, je pense que ouais. Il est. En tout cas, est-ce que c'est pas aussi pire d'avoir l'envie de tromper que de tromper? Moi je trouve que c'est aussi grave hein, sauf que tu prends bien le problème sûr, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Il faut attendre quoi maintenant? Une semaine qu'il te trompe pour qu'il soit en faute? Moi je pense que ça y est, c'est déjà la merde, tu bases hein. Ah bah c'est oui, mort là. Ah là, il n'y a pas d'urgence là, il y a qu'à baser ou avoir une belle conversation en disant écoute, ouais, pour l'instant t'as rien fait de chelou, soit on sauve notre couple, mais pour moi sache que j'oublierai jamais, ouais, soit tu le bases hein. Ça dégage. Ça ouais, dégage. Bah, je crois que c'est mort hein, parce c'est que combien moi, de temps dur, comment je suis rancunière, ça fait 6 mois quand même. Ah, tu bases. Et tu demandes l'accès à son Tinder pour lire les messages qu'il envoie. Moi je suis ça, non, moi je suis ça. Je ne même pas que je vois ça parce que je crois que c'est même pas la peine. Non, mais dans le bénéfice du doute, tu l'attrapes tout de suite, tu dis écoute, toi et moi c'est fini, sauf si tu montes tout de suite ton Tinder et je regarde vite fait ce qu'il y a dedans. Voilà. Et si voilà vraiment t'es connecté pour être connecté, je te base. Mais si tu me le montres pas tout de suite, si t'attends encore une seconde de plus, toi et moi c'est fini. Et vraiment, non mais vraiment, parce que sinon il a le temps d'effacer et va t'endormir. Ouais, donc tu lui dis écoute, soit maintenant tout de suite tu me donnes ton Tinder, se trouve le mec il s'est reconnecté, il a voulu faire le con pour un pote, il aura toujours une bonne excuse. Donc tu le prends tout de suite sur le vif. Si ça, si y a pas, c'est mort, tu bases. Peut-être qu'il l'a fait pour savoir si tu étais dessus aussi. Hein. Ah. Ah. Je le défends, c'est pas un garçon. N'importe quoi. Putain, JM, on embrasse ta femme. Grave. Manon, tu nous tiens au courant, on t'embrasse. Bisous, Manon. Pas de problème, gros bisous. On t'aime fort, en tout cas. Courage, courage, ma chérie. Je sais que c'est pas évident pour toi. On t'aime. Bisous, ma Manon. Allez, il y a Samy là. Samy qui a embrassé sa meuf. T'es amoureux de ta prof, toi, Samy. T'es comme un ouf. C'est ça. Exactement. Et comment vous êtes embrassés? Il y a eu date, c'était pendant une interclasse. Bah, moi ça me chauffe toujours, ça. Ouais, je sais pas vous, mais moi ça m'a toujours rendu un petit peu chelou. Raconte-nous, Samy. Bah, en fait, tu vois, en Espagne, les profs et les élèves, enfin, on est extrêmement proches. Et si tu veux, à la fin d'une journée de cours, bah, je l'ai croisée et elle m'a dit si tu veux, on va manger avant le repas, en fait, un truc vers 18h, on va manger un truc dans un bar et tout. Et apparemment, t'as mangé la moule. Quoi ? T'as mangé la moule de la paille, là. Mais donc, du coup, on a bu un verre et tout, et donc, tu voyais un échange de regard, machin. Ça, bon, on buvait une petite sangria qui va bien et tout. Ah ouais. Mais attends, elle a quel âge, elle ? Elle a quel âge ? Elle a 42. Ah, la 42, ah ouais. C'est... Voilà. Elle a vadrouillé déjà. C'est la grande vadrouille. Non, mais par rapport à Samy, évidemment. Ah, oui, par rapport à Samy, hein. Je vous rappelle qu'ici, on a tous 40 ans. Enfin, Sarah et Sylvain. Ah, bien, tout, j'ai 32. On est jeunes, hein. Bien passé. Ça fait quand même 20 ans d'écart, quoi. Ouais, ça fait quand même. Mais toi, t'as la dalle aussi sur elle. T'es à fond, t'es amoureux ou t'as la dalle? Bah, un peu les deux, si tu veux, mais je suis surtout amoureux, quoi. Non, je suis surtout amoureux, franchement. C'est compliqué, ouais. Ah, c'est cool. Ouais. Et le truc, c'est que voilà, après donc il y a eu le petit bisou qui va bien, quoi. Ouh. Et t'as couché avec elle ou pas? Elle baise. Non. Mais depuis, il y a un espèce de froid bizarre, c'est-à-dire qu'elle m'évite. Ah ouais, c'est la sangria, ça. C'est qui a payé l'addition? Qui a payé l'addition? Ouais, c'est intéressant. C'est la prof qui a raqué ou c'est l'étudiant? La cuenta. Merci. Mais attends. J'aimerais arrêter. Et Samy, les traducteurs là, en herbe. Qui arrête pas de traduire là, c'est insupportable. Samy, raconte-moi un petit peu, vas-y, qui a payé? Non, c'est elle qui m'a invité. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, t'es... Bah, oui, bah écoute, Samy, tu sais quoi, ça m'intéresse là. On va prendre du monde pour toi, on va s'écouter, je te le donne, Vita et Slimane. Et puis l'appel police arrive, les amis, il y a Thomas qui est là. Ça va, Toto? Ouais, salut Rico, salut toute l'équipe. Salut mon Toto. Toto, on va piéger ta mère. Alors qu'ils sont encore en train de se parler en espagnol, les deux. Ils arrêtent pas. Ouais, non, mais les gars, calmez-vous. Thomas, on va appeler ta mère. On va lui faire croire que tu t'es fait serrer par la police, garde à vue, en train de vendre des choses un petit peu cocunes de chez le cordonnier. Ouais, moi aussi. Oui, parce que les gars, il y a un cordonnier qui commence à vendre des chaussures pour se faire du bien. Je vous raconterai tout ça. On va en parler, Thomas. Je vais appeler ta mère pour lui dire que t'es en garde à vue. Est-ce qu'elle va s'accuser à ta place? C'est ce qu'on va voir. Allez, je te le donne, Vita et Slimane. Et puis on aide notre Samy d'amour là. Il est avec son espagnol et pour l'instant, c'est sa file à l'italienne. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Je te le donne. va piéger la daronne de Thomas et parler karma aussi. Tiens, vous y croyez ou pas au karma? On va en discuter, les amis. J'ai fait un sondage dans l'après-midi. Les résultats sont sans appel. on va en parler. Thomas va piéger sa daronne. Et puis là, il y a des réacs pour Samy qui a embrassé sa prof d'espagnol. Maintenant, c'est l'amour fou. Et Damien, un conseil pour toi. Ça va, dame? Ouais, salut l'équipe, ça va? Salut Damien, qu'est-ce que tu conseilles, mon poulet, toi, qui a fait le 0870 70 42 48 à Samy, dis-moi? Bah écoute, moi je conseille à Samy, si elle, elle veut plus contact, c'est pas d'insister. Mmh. Ouais. Parce que s'il insiste, ça va peut-être la gêner, puis soit ça peut avoir des répercussions derrière. Ouais. Et moi je pense que, ou alors, qui change de bahut puis qu'ils essaient de la revoir ouais, par derrière. Un autre coup, ouais. Excuse-moi Damien, j'étais obligé. Elle était facile. Mais non, mais voilà quoi, parce que peut-être que le fait qu'ils soient dans le même bahut, et puis elle est mariée ou pas, elle a quoi, elle a quelque chose, Samy, cette prof d'espagnol, elle a quelqu'un? Non, on a discuté, elle est célibataire, elle a juste un enfant en fait. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, ouais. Tu vas être le beau-père, Samy, bravo. Non mais moi je connais ces ambiances de prof, Samy. Moi je te dis, ça mène que de la merde. Au début, en plus, au début de l'année, au début tu crois que c'est frais, tu roules des mécaniques, t'en parles à deux potes et derrière t'es bâché. Moi je te dis, non mais c'est vrai. Parce soit que t'as souffert, toi. Mais non, soit c'est un truc sérieux et ils font un petit deal entre eux, c'est-à-dire voilà, ils se voient de temps en temps dehors s'il y a un peu de sentiment. Si c'est que pour Ken, va voir ailleurs, frérot, ça t'amène que de la merde. Je pourrais attendre un peu le temps que ça se tasse et ensuite j'essaie de voir. Moi, à mon avis, je pense que c'est chaud. Ouais. Moi. Je dis enterre ce dos là et puis si ça revient, fais un truc un peu sérieux. Ouais. Moi, je dis, tu nous tiens au courant, ok, Samy? Moi, j'ai spaghetti. Mais donc, du coup, il vaut mieux pas quoi. Ah, pour l'instant, moi, j'attendrai un petit peu. La prof, elle t'aurait envoyé des signaux. C'est elle la patronne. De toute façon, c'est la prof. Oui. C'est elle qui a le pouvoir. Laisse-la disposer, frérot. Tu vois, en fonction de ce qu'elle fait, toi, tu vas passer fort. Une prof qui est déjà angoissée par son taf du fait de sortir avec toi. Ouais. Ok, mon Samy, tu nous tiens au jus. Merci, Damien, d'être passé. Je t'embrasse, Damien. Ouais, courage à lui. Il garde la pêche. Écoute, il garde. Il a la banane déjà. Il a la banane, c'est pas mal. Quelle salade de fruits. Allez, Thomas, on va piéger ta mère. T'es prêt, Thomas? Ouais, je suis prêt. C'est parti, on va appeler ta maman. Il y a des objets coquins qu'on a trouvés sur toi, tu les as revendus. Et comme par hasard, il y a un sex shop qui a été braqué. Alors si tu veux sortir de garde à vue, elle doit s'accuser à ta place. Va-t-elle le faire? Réponse dans une minute. Elle a gagné la somme folle de 50 000 euros en écoutant Énergie. Karine, Énergie t'offre 50 000 euros cash pour toi, ma petite Karine. 50 000 euros, ma chérie! Attention, la playlist suprême est de retour dans quelques jours sur Énergie. Avec encore une fois 50 000 euros à gagner. On a bien bossé ce trimestre. Oh, tu m'étonnes, on a tout donné. On l'a bien mérité, notre pack PlayStation 4 et le jeu Marvel's Spider-Man. Ouais, mais attention au budget. Je sais, et c'est pour ça qu'on va aller chez Leclerc. Leclerc? Chez Leclerc, tu as 50 euros de remise immédiate et une deuxième manette offerte. Non. Offre valable du 23 au 26 novembre pour l'achat d'un pack PlayStation 4 1 TB Marvel's Spider-Man. Bénéficiez de 50 euros de remise immédiate plus une deuxième manette offerte. Soit l'ensemble à 299 euros au lieu de 408,90 €. Voir modalité sur www.culture.leclerc. Bonjour, c'est Jean-Marc Morandini. Je vous donne rendez-vous en direct vendredi à 20h55 sur Énergie 12 pour un numéro inédit d'héritage consacré à Johnny Hallyday. Dans ce document exclusif, vous découvrirez les coulisses des négociations secrètes entre Laetitia, David et Laura. Vous comprendrez les rebondissements de cette affaire hors norme. Vous allez entendre des témoignages inédits. Héritage spécial Johnny, vendredi à 20h55, en direct sur Énergie 12. Gagnez sur Énergie 1000 euros offerts par Waffle Factory. À chaque pause, ça gaufre. Salut, c'est Coé sur Énergie. Écoutez Coé de 17h à 20h sur Énergie et Waffle Factory offrira 1000 euros cash. Énergie, it's music only. Dis donc, gérer son argent, c'est pas si simple. Comment tu fais, toi? Moi, je m'informe pour comprendre. Je lis Le Revenu tous les vendredis et je suis toute l'actualité sur leur nouveau site, lerevenu.com. Mais pourquoi? Bah parce que les conseils bourses et les placements du revenu sont vraiment indépendants, plein de bon sens et très efficaces. Avec Le Revenu, j'ai confiance et je peux gagner de l'argent. Le Revenu, partenaire conseil pour réussir vos placements. Un noble devenu un hors-la-loi. Ceci est l'histoire d'un voleur. Un hors-la-loi devenu un justicier. Il volait aux riches pour donner aux pauvres. Un justicier devenu une légende. Robin des Bois. Vous êtes un modèle pour le peuple. Taron Egerton, Jamie Foxx, Robin des Bois, produit par Leonardo DiCaprio. Bienvenue à la cour des grands. Le 28 novembre au cinéma, avec énergie. 20h, 23h. Connectez-vous. Le Rico Show débarque. Eh oui les amis, ça y est, on se fait kiffer, c'est le canuit, canular de la nuit. Derrière on parlera du karma. Vous y croyez ou pas, on aura des histoires, je vous donnerai le top 3 des karmas dans le monde. Hein. Il y a des gens qui sont morts pour avoir volé une saucisse. Hein. Oh. Ah ouais. Mais c'est pas une vanne, c'est le karma qui vous frappe. Alors est-ce que vous croyez à cette histoire de dire voilà, qu'on vous fait du mal, ça revient automatiquement, voilà, un petit peu comme un imprévu, ouais. Comme le destin, vous ripez sur une merde, vous tombez et vous vous faites mal. Quoi. C'est un peu cette histoire, quoi. Hein. Alors que voilà, rien ne vous prédestinait à être dans le mal. Ça, Sylvain, on est l'exemple même, on en ouais. parlera. Le karma. Et lui ne le voit pas. Hein. Il ne voit pas qu'il n'a pas de chico, qu'il a 40 ans, qu'il est en détresse totale, voilà, qu'il est seul, qu'il est. Oh là, il me jette. Non, mais tu veux que je me jette. Non, mais non, frérot. Ah, je continue à voler des boîtes de thon. Un chef franprix, d'ailleurs. Les amis, on se fait un petit kiff, puisque derrière, on parlera des rencontres de stars. Si vous avez vu des stars, vous avez passé des moments avec eux, ouais. Je ne sais pas, vous avez été avec eux, bloqué dans un endroit ou invité à une soirée imprévue. Prévu. Venez nous raconter tout ça là, soyez les témoins de ces délires. 0800 70 42 48. Et j'offre des places pour le Ballon d'Or. Wow. Ah oui, ça, mais ça va tomber ce soir. Je vous expliquerai pour vous inscrire. À un moment donné, vous ferez tous le 0800 70 42 48. Et vous serez le 3 décembre avec Messi, Ronaldo et compagnie. Thomas, t'es prêt? On piège ta daronne? Ouais, c'est bon, je suis parti. Mon Thomas, j'ai trouvé sur toi une perruque de drag queen blonde, une muselière noire en cuir, des extensions de pubis et une camisole en fer forgé. Je t'explique, si ta mère s'accuse à ta place, je te sors de garde à vue, hein, puisque je t'ai vu en train de vendre ces objets sous le manteau. Voilà. La question, elle est là, est-ce que ta mère va accepter de s'accuser à c'est ta ça. Place? Tu le sens ça, Thomas, ou pas? À mon avis, elle va pas s'accuser, mais bon, on sait jamais. Ah. C'est jamais. Hein, vous feriez quoi, toi, Sarah, si ton fils il faisait ça il... Bah, je m'accuse tout de suite, c'est la chair de ma chair. Ah ouais, tout de suite. Bah oui, en plus. Faut qu'ils sortent. Mais non, mais en plus, ils auraient vraiment ces objets, donc c'est crédible. D'accord. Hein. Écoute, on va se régaler, les amis, parce que si sa mère, évidemment, me dit que les objets lui appartiennent, il va falloir qu'elle me trouve une histoire crédible pour chaque objet. Eh oui. Aïe, eh oui. Aïe, aïe. On y va, c'est le canui. Arrêtez tout. Écoutez. Tout le monde est en danger. C'est le canuit, le canular de la nuit sur Énergie. J'y vais en inspecteur direct. Allô, oui. Oui, monsieur Latour, officier de police judiciaire. Je vous appelle parce qu'on a un petit souci avec votre fils Thomas. Bon, non, c'est pas possible. Si. Je vous explique rapidement. Il vendait des objets un peu sous le manteau. Voilà, dans le skatepark, il proposait aux gens qui étaient présents des objets. Il nous a été signalé. Et on l'a trouvé avec divers objets sur lui. Le souci, c'est qu'on a eu une boutique de perruques et accessoires en tout genre. Vous savez, une espèce de foire-fouille qui a été braquée il y a quelques jours. Je suis sonné là. Oui. Donc, moi, j'ai un pépin. Ces objets semblent appartenir à cette affaire qui a eu lieu il y a quelques jours, quoi. Donc, ça sera arrivé quand? Vendredi matin. Et votre fils, on l'a attrapé cet après-midi. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est faire une petite note au proc pour pouvoir le libérer, sinon il est parti pour 72 heures de garde à vue, là. Vous me dites que ces objets, vous les connaissez, ils sont à vous. Derrière, je permets à Thomas de sortir et c'est classé sans suite, quoi. On n'en parle plus, vous lui mettez une bonne bronchite et puis on n'en parle plus, quoi. D'accord. Bon. Je fais quoi, là? Alors, je vous liste un petit peu ce qu'il avait sur lui, hein. Donc, c'est une boutique en tout genre de perruques et d'accessoires un petit peu coquins. Vous me dites un petit peu quel usage vous avez pu faire de ces objets qui sont à vous et que votre fils, en gros, vous les a piqués. En somme, hein, je fais un petit procès verbal, ça part au proc et puis dans la foulée, il est dehors. D'accord? Mm-hmm. Alors, j'ai une moumoute en poil de bison spécial pubis. Est-ce que vous savez du coup ce que c'est? Allez-y. Oui, on était invité à une soirée déguisée. On avait acheté on s'était procuré une moumoute en soirée libertine. Très bien. On a une perruque de drag queen, là, hein, spécial homme. Toujours à l'occasion de cette fête, j'avais une perruque de drag queen. J'étais déguisée, voilà. Très bien. Et il y a une muselière noire en cuir. Donc, toujours dans le cadre du jeu, j'avais mis la muselière à mon compagnon afin de le rendre muet. On a également une camisole en fer forgé aussi, ces nouvelles camisoles un petit peu. Enfin, franchement, il y en a encore long, hein. Ouais, il en reste deux derrière, allez-y. Nous étions avec des amis et nous avons récupéré la camisole en fer forgé qu'il avait, afin qu'il puisse nous rejoindre dans notre soirée et dans notre jeu. Très bien, très bien. Très bien, parfait. Et pour terminer, on a une plume avec écrit dessus plume au cul. Hein, je cite la marque de la plume. Très clairement, que faisiez-vous avec cette plume ? J'habite à la campagne et l'idée de la plume, c'était de faire une anecdote vis-à-vis des poules que l'on a à côté de la maison. D'accord, donc vous mettiez la plume, si je puis dire, dans... Voilà, et puis vous sautiez, quoi. Voilà. Très bien. Je sautais avec la plume, voilà. Très bien. Très bien, très bien. Vous bougez pas, madame, je vais pouvoir vous le passer, hein. Bougez pas. Installe-le là. Prenez le téléphone. Voilà, allez-y. Allô, maman ? Oui. Allez-y, vous pouvez vous entretenir une minute, allez-y. Qu'est-ce que tu as fabriqué ? J'ai fait une connerie, je suis désolé, je t'expliquerai plus tard. Je te préviens, ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Non, mais je ne te mets pas à l'internet pour que tu fasses des conneries. Hein. Non, mais il n'y a pas d'être désolé, attends, est-ce que tu te rends compte ? Est-ce que tu te rends compte de la gravité ? Je sais, mais bon, j'avais besoin d'un petit peu d'argent. Non, alors non, là franchement, là tu ne sors pas d'excuses parce que là, je crois que je vais m'énerver, hein. D'accord ? D'accord. Moi, je te repasse l'inspecteur. Oui. Madame, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous m'entendez ? Oui. Bon, on a fait partir le procès voilà, avec votre histoire. Bon, il va falloir que vous fassiez un petit sac et que vous veniez dormir avec nous, là, ce soir. Il faut mettre des petites chaussures à scratch, parce que là, ils vont vouloir vous entendre et du coup... Non, mais attendez, je fais une fausse déclaration. Bon, ils vont me demander. Non, je peux pas. Alors, j'ai peut-être une bonne nouvelle. Vous êtes prête ? Vous écoutez le plan ? Oui. Alors, en fait, avec Thomas, vous êtes en direct sur NRJ. Donc, il va rien vous arriver et vous permettez à votre fils de gagner un très beau cadeau ! Ouais ! Thomas vous a piégé. Vous êtes en direct dans le Ricochet sur NRJ ! Ouais ! Oh là là, la maman modèle ! La maman modèle, franchement, on rêve tous d'avoir une mère comme ça, adorable. Qui se sacrifie. Thomas, je te défonce. Elle est magique, ta maman. Je pensais pas que t'allais aller si loin pour ça, quoi. Allez, on vous embrasse en tout cas, plein de bisous. Au revoir. Merci. Oh, énorme. Quel bonheur! Eh, la daronne, franchement. Eh, vous avez des daronnes, les gars. Franchement, prête à tout, hein. Ouais. Pour vous sauver le cucu. C'est beau, une mère. Hein. Ouais, c'est beau. Tiens, on le fera avec les pères, voir si ça fait pareil. Hein, on va se faire ça. On va parler du karma, les amis. On a un copain du Ricocho qui a volé, entre guillemets, un truc. Il a peur du karma. Vous y croyez ou vous y croyez pas? Believe you, I feel alone in your arms, I feel cuando te llamo la mala responde. No pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, if you love me, let me heal. Say my name, I am dying to believe you. Allez les amis, énorme ce cas de nuit. Si vous aimez nos délires, croyez-moi, dans un quart d'heure on s'en refait un. Énorme, un appel de dingue les amis. On est bien ensemble, c'est le Rico Show sur Énergie. Il s'appelle Aymeric Bonnery. Son surnom, c'est Rico. Et vous venez d'atterrir dans le Rico Show sur Énergie. De 20h à 23h. Eh oui les amis, on parle karma. Alors est-ce que vous croyez au karma ou pas? On a Samuel qui a un pépin par rapport à ça. Alors déjà, j'ai mis un sondage dans l'après-midi. À 65%, vous nous dites que oui, eh oui. Vous croyez au karma. Le karma, c'est l'idée que lorsqu'on fait des choses mauvaises, ça vous retombe sur la gueule. Toi Sarah, ouais, t'y crois? Moi ça rythme ma vie le karma. C'est pas vraiment vrai. Ça rythme. Tout ce que tu fais, c'est en fonction de tout ça. Ce que je c'est fais... pour ça qu'il t'arrive que des merdes. Parce que c'est pas sincère ce que tu fais. Eh quand oui. T'es de la petite vieille, c'est pour le karma. Bah oui, c'est vrai. Moi c'est pour le cœur, madame. C'est pour le cœur. Et ça change une vie. Parce que si tu fais en espérant, t'auras rien. C'est comme pas. Ceux qui sont amis avec vous en espérant que vous leur rendez un service meilleur. C'est vrai. N'est-ce pas, Sylvain? Tout à fait. Ça, c'est pour moi, ça? C'est ta devise. Ah, okay. Il a tatoué sur le nulu. Rendre un service en espérant qu'on nous en rende un meilleur. C'est Sylvain Potard. J'y ai un petit croix au karma. Mais évidemment, de ouf. Je vais pas dire que ça rythme ma vie. Mais pour moi, à chaque fois, dès que tu fais une bonne action, derrière, ouais. Même si tu attends pas de retour, ouais. Tu vas avoir une petite récompense. C'est vrai. Et quand tu fais le bâtard, mais bizarrement, le lendemain ou dans la semaine, il t'arrive une couille. Il t'arrive des merdes. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Sylvain. Bah, si tu fais le bâtard tout le temps, alors il t'arrive que des merdes. Regarde ta vie. Pas moi. Mais tu t'en rends pas compte, t'as un piège à loup dans la bouche. Qu'est-ce que tu parles, t'as cheveux là, dégueulasse. T'as un toupet, il n'y a pas un veuge dessous. T'es dans la merde. De quoi, dans la merde? Mais oui, parce que tu passes ton temps à racketter, à voler les gens et au final, t'as un bec de foin. Chéri frérot. C'est toi le bec de lièvre. Mais non, mais c'est vrai. Oh la punchline! Excuse-nous, hein, fais gaffe! Hein. Fais gaffe, le lièvre il pourrait te prendre en levrette! Hein. Ça va te faire tout drôle ça! Non mais moi c'est surtout pour les mauvaises choses moi que j'applique, ouais. Pour les bonnes choses non! Et par exemple, il n'y a pas longtemps, il m'est arrivé un truc de fou par rapport au karma! En fait, moi dans l'ascenseur, je déteste tenir l'ascenseur quand je vois une petite vieille, ma voisine arriver! Tu lui as fermé au nez, tu lui as claqué le nez! Je lui ferme au nez, j'appuie sur le bouton très fort! Et en fait, l'ascenseur se ferme, premier étage, deuxième étage, et là il tombe en panne! Tu te rappelles plus, je t'avais appelé! Et j'étais tombée en panne, donc le karma. Dans la minute, il avait agi. Dans la seconde. Mais est-ce que c'est pas des coïncidences de temps en temps? Parce qu'il y en a qui ont été des bâtards. Par exemple, moi, je me suis posé une question sur le karma. Pourquoi ces mecs, par exemple, tu sais, t'as des grands trafiquants, des narcotrafiquants et tout, on les connaît, les Escobar et tout. Pourquoi ils vivent autant de temps? Alors que c'est des types qui ont tué du monde et il faudra eux le karma il met 2 heures à venir mon frère. Non mais c'est vrai, le mec il tue n'importe qui, ils ont des meurtres sur tous les trucs et leur mec ils mènent des longues vies pendant des années. Pourquoi? Expliquez-moi. Parce qu'ils sont au-dessus du karma eux, tu mais vois. Non, pas du tout. C'est le soleil. Ces mecs là ils ont une vie de merde, ils vivent dans la peur, enfin c'est une catastrophe, leur vie ils sont avec des groupies, c'est mais moi le karma j'ai foutu en tôle plus tôt. T'as des mecs qui arrivent à vivre dans des paradis fiscaux, à se faire kiffer. Escobar, elle a pas l'air malheureux quoi. Tu crois qu'ils sont malheureux au fond? Moi je me dis, alors des fois je me dis, est-ce que les mecs ils montent pas haut, c'est-à-dire que le karma les fait kiffer tellement fort pour mieux leur casser la gueule? Ah, c'est des fois il y a des bâtards dans la vie, je dis mais lui c'est un de ces bâtards de ouf. Comment ça se fait qu'il est là et tout ça? Surtout dans les médias, je vous dis, il y a que des bâtards. Non mais c'est vrai, c'est tous des bâtards. Et ce qui se passe, c'est que les mecs, ils vont loin, ils font des trucs de ouf. Et je dis, mais c'est un truc de ouf, c'est des bâtards et tout. Et en fait, des fois, j'ai l'impression qu'ils les montent, pour mieux les cunes. Bien sûr, après ça se paye, merde. Le karma, peut-être que ça se paye. Hein. Ah, ça se paye. Tout se paye, mais c'est toi qui me fais peur dans cette équipe. Parce que quand je te vois voler des boîtes de thon au Franprix. Arrête, tu parles de Pablo Escobar, après tu parles de moi tout ça. Je me dis qu'un jour, le chalutier, on va le prendre dans les gueules. Tu vois, je m'inquiète, quoi. Dites-moi, vous, ce que vous pensez du karma. 0870 70 42 48. On va aider Samuel qui a peur du karma, justement. Ça va, Sam? Salut, ça va? Salut, mon Sam. Qu'est-ce qui se passe, toi? Raconte-moi un peu ton karma chelou, le niçois, là. Du coup, je vous appelle parce que j'ai loué un Airbnb la semaine dernière à Paris. Ouais. Et j'ai retrouvé la sacoche de l'ancien locataire avec 200 euros à l'intérieur. Ouais, du coup, d'accord. Dans ma tête, je me dis, c'est énorme, c'est ouf. Ouais. C'est une chance, quoi. Et du coup, j'ai pris les 200 euros. J'ai amené la sacoche au commissariat de police pour juste rendre les papiers, en fait. D'accord, et t'as gardé l'oseille. Ouais, voilà. Je me suis dit, les gars, on va se faire un kiff. Oh là là, ça va être. Hey, Sam, tu sais quoi, on attend le 0800 70 42 48. Venez nous dire si ça sent mauvais et vos expériences de karma. Et je vais vous faire un top 3 des mecs qui sont morts à cause du karma, mais genre dans la seconde, avec des trucs complètement bidons. De quoi vous refroidir. Shotgun sur NRJ, les amis. Des places pour le ballon d'or arrive. Et puis on va se faire un délire là sur une annonce Le Bon Coin. Croyez-moi, on va se taper une barre énorme. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. I'm feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. On parle du karma, vous venez. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Eh oui les amis, on parle de ce foutu karma. Tellement bien de passer ces 3 heures avec vous, nous dit Savache. Et puis il y a Babouche qui dit, moi le karma j'y crois pas. La vie est faite de chance ou de malchance. Il y a des jours avec et des jours sans. Je crois pas trop au karma, nous dit Caro. Et puis il y a Sandra qui dit, j'y crois. Mais pourtant il y a des moments où on dirait que ceux qui font des choses pas bien, eh ben, ce sont ceux qui ont des meilleures vies justement. Alors est-ce que c'est que l'illusion ou pas, on est en train d'en parler parce que Samuel il a commis une petite bêtise. Ah. Il était sur Paris, il a gardé la sacoche avec l'oseille et il a rendu les papiers. Voilà, quand même, il a laissé un commissariat, mais il a rendu les papiers, mais pas l'argent. Et du coup, t'as fait quoi avec ces 200 balles, Sam? En fait, avec les 200 balles, j'ai amené ma copine, ma meuf, au meilleur resto de Paris, oh là romantique, là. La totale. Mais partage. Oh, tu l'as mise dans la boucle. Oh là là. Tu l'as mise dans la boucle, elle s'est pas étouffée avec une noix de Saint-Jacques. Non, mais c'est terrible. Je suis vivant. Ah, t'es vivant, Sylvain. Bah, moi, je trouve que c'est bien. Regarde, il partage. L'oseille. Non, mais c'est vrai. Comme ça, tous les deux, ils seront dans la mer. Mais ça n'a rien à voir. Putain. Eh, moi j'aurais peur de la première échographie, Sam. Non mais sérieux, parce que je vais vous raconter. J'ai été un peu généreux, tu vois. Ouais, mais c'est pas ton oseille, c'est facile. Hein. Non mais par contre, Sam, je vais te lire les top 3 des karmas qui ont rattrapé les gens. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a un gars en fait, il avait une faim de loup. Il a volé un hot dog sur un marché de Saint-Louis, d'accord, aux États-Unis, et le SAMU n'a pas pu le réanimer. Il est mort. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, l'homme de 32 ans s'était empressé de manger son sandwich, comme l'ont constaté les secours qui ont retiré de sa gorge la saucisse de 15 cm qu'il avait étouffée. Ah, en fait, il a pété le sandwich et puis il a voulu le manger vite pour qu'il disparaisse. Et il avait la saucisse dans le trou. Il y a quoi comme explication? C'est le karma, exactement. C'est vraiment ce qu'on dit avec Sarah. Ouais, mais là, c'est une personne qui avait une faim de loup. Il a pas eu de chance. Faut être un spécialiste là-dedans. Vous, la saucisse. Hein. Ouais, bah oui. Il y a que toi qui peux en bouffer. D'ailleurs, t'appelle Sylvain la claquille. Non, mais il y a aussi autre chose, c'est l'erreur du siècle. En fait, il y a un homme qui a fait les frais lorsqu'il a décidé d'envoyer une enveloppe piégée. D'accord. Donc, il s'est concentré de faire un petit colis piégé, etc. C'était une grosse enveloppe. Et dès que tu l'ouvres, ça pète. D'accord. Donc, tu meurs. Ouais. Et il envoie ça, mais il était tellement concentré sur le stratagème qu'il a oublié de mettre un timbre. Oh là là. Du coup, l'enveloppe est retournée. Il a ouvert l'enveloppe et bam, il a pété. Et il est décédé de sa propre enveloppe piégée. Ouais. Karma. Si c'est pas le karma, ça, les gars. Non, mais c'est pas le karma. Il est teubé, le mec. Il connaît pas sa signature, son écriture. Alors attends, le mec qui est teubé, je suis désolé, il a quand même conçu une bombe dans une enveloppe. Ouais. Donc déjà, c'est un peu un génie du mal, quoi. Il reconnaît pas son écriture. Il a dû la reconnaître, mais tu vois, il a dû dire. Teubé. Le courrier, des fois, tu sais, quand on a une pile, t'ouvres à tout va et puis bam, tu t'attends pas à ce qu'elle revienne. Non, mais c'est vrai. Au final, parfois, moi, je trouve que c'est un peu genre la chance aussi. Parfois, t'as pas de chance, tu vois. C'est comme ça. Ouais, bah, il y a Kevin justement qui a le mauvais karma aussi. Il a fait le 0800 70 42 48. Ça va, Kevin? Oui, bonsoir le Rico Show, comment ça va? Ça va, mon Kevin? Alors, Kevin, oui, toi, t'as. Je vous aime. Eh ben, nous, on te kiffe aussi, mon Kevin. Ouais, tu sais que t'es notre bébé, là. Tu viens quand tu veux, frérot. Oui, moi aussi, Emmerich, t'es mon bébé. Je suis à toi, frérot. T'inquiète, on est là, on est ensemble. Raconte-moi, mon Kevin, ton mauvais karma. Moi, en fait, j'étais allé en boîte de nuit. Ouais. C'était un samedi, puis sans faire exprès, j'avais un peu bu et j'ai prêté ma carte bleue à une fille, et puis elle a dépensé 80 euros. Du coup, j'ai fait opposition. Voilà. Ouais. D'accord. Et ton mauvais karma, c'est quoi le dos? Elle, il lui arrivait quoi? Elle a perdu ses dents, elle a perdu ses ongles, il s'est passé quoi? Elle a disparu. Elle a disparu. Mais qu'est-ce que t'avais fait avant pour avoir cette galère? Elle m'avait manipulé, voilà. C'est pas ta faute. Voilà. Ouais, mais lui, il pense que si on lui a mis sur son trajet, si comme par hasard elle a manipulé, tu penses que c'est parce que t'as fait 2-3 trucs pas terribles. C'est ça? Voilà, exactement. Ah bah ça, Kevin, t'es un bâtard. Oh, Emmerich. Je rigole, bon Kevin. Mais Kevin, tu sais, je vais te dire, des fois ça arrive, hein, tu tombes sur des gens. Si chaque fois qu'il nous arrive une couille, on réfléchit à ce qu'on a fait dans le passé. Oui, c'est vrai. Kevin, des fois, je sais pas s'il faut toujours mais non, le lier. Mais c'est des choses bien précises. Moi, j'ai un petit souvenir quand j'étais petite, il y avait ma voisine, à chaque fois qu'elle me voyait, elle me disait, ah, elle est trop belle, elle est trop belle. Et moi, je l'affichais devant tout le monde, elle avait plus de chicots. Et je disais, ah, mais t'as des chicots noirs, t'as des chicots pourris, t'as plus de dents. Et du coup, avec le temps, moi, j'ai commencé à perdre. Moi, il y avait un grand patron de télé qui m'a dit, tu sais quoi, Emmerich, et je te jure que c'est vrai, et je dis pas ça parce qu'il m'avait flatté sur le coup, mais il m'a dit, ouais, toi, t'es gentil comme moi. Et bah, il a raison. C'est gentil, bon, mon Kevin. Ça me faisait plaisir, et il me racontait une histoire de ouf concernant le karma. Quoi? Que tout le monde connaissait dans sa ville natale. Et il me disait, voilà, en fait, moi, il y avait un mec qui me voulait vraiment du mal. Et c'est un patron de télévision très connu. Et il me dit, voilà, il me voulait du mal dans la ville. Et chaque fois, il m'insultait, il mettait plus bactère. Et franchement, j'ai passé une enfance terrible. Et tout le monde le savait dans ma ville. Il me harcelait, il m'était pas bien. Moi aussi, j'étais pareil. Voilà. Voilà, mon Kevin. Et ça arrive à plein de monde. Et en fait, il m'a dit, j'ai fait une prière un jour. Il m'a dit, non mais je te jure, un truc de ouf, le gars c'est un grand patron, donc c'est quand même un gars qui dirige des chaînes et des salariés. Et il m'a dit, il est arrivé un truc complètement ouf. Quoi? C'est que le mec, j'ai tellement prié contre lui, je voulais comme lui jeter un sort. Il m'a dit, l'histoire aujourd'hui dans ma ville natale, elle est connue de tout le monde. Le mec aujourd'hui, il est handicapé, il peut pas rien faire. Alors il sait pas si c'est lui directement, mais il m'a dit, pas qu'avec lui, hein. Il harcelait tout le monde, c'était le gros dur. Ouais. Il m'a dit, j'ai prié très très fort parce qu'il me faisait du mal et il a pensé au pire et tout. Et aujourd'hui, le mec, il a fait un accident du jour au lendemain et il s'est retrouvé. Mais vraiment, un gars, il m'a dit, très très très méchant. Et il me disait, voilà, faut jamais perdre espoir, faut toujours être gentil parce que quand t'es méchant, il t'arrive que t'arrives que du positif. J'ai toujours été gentil avec tout le monde, moi. Ah bah, tu vois, avec Kevin, je suis pas le Père Noël, t'inquiète pas. Non mais t'es gentil, bon Kevin. Non mais c'est vrai, et c'est pour ça que Sylvain, pour faire de la radio, il a dû être très gentil. Bah, n'importe quoi. J'étais trop bon, trop con. Voilà. Ouais, mais ça peut arriver. Mais t'inquiète pas. À mon avis, l'oseille, elle l'a pas amené au paradis. Sûr. Après, c'est vrai, je pense, le karma, ça parle beaucoup aux gens qui croient un peu. Tu vois, qui ont un peu des croyances, tout ça. Ouais. Alors si les gens, ils ont pas trop de croyances, peut-être qu'ils s'en foutent un peu plus. Ouais. Mais c'est vrai que la plupart des gens qui croient au karma, ils croient aussi en autre chose. Ils croient en autre chose. Sam, moi je te dis, voilà, attends de voir. Tiens-nous au courant et dis-nous si t'arrives prévu une galère là dans les jours à venir. Ok, allez, Sam. Ouais, je vous dirai. Bon, bah, allez, mon... ouais, vas-y, dis-moi. De toute façon, après moi, ce que je voulais dire, c'est que aussi c'est la superstition, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. Mais bon, bon, si ta meuf a une intoxication alimentaire, un truc, tu te regarderas. J'avais fait le médecin, les gars. Ouais. Sam, je te fais plein de bisous, mon Sam. Ouais, et, aussi, et... vous êtes les meilleurs, les gars. Vous êtes les meilleurs. Mais oublie pas que t'es un bâtard quand même. On t'embrasse, Sam. Bisous, frérot. Bisous. Ciao. Merci Kevin d'être passé. Avec plaisir. Et Sarah, je t'aime dans la folie. Oh, ah, je t'aime. C'est merci, gentil. Merci, c'est gentil. Kevin, fais gaffe, elle pourrait te voler ta carte bleue. Ah oui, oh là là. Attention au karma. T'aimes jamais les bonnes meufs, toi, Kevin. On t'embrasse. Pour Kevin, on va te faire un petit cadeau. Raccroche pas. Merci beaucoup. Bisous Kevin. Bisous. Merci les amis d'être là. C'est un vrai kiff. On va se faire un délire là tout de suite. On va parler déjà de toutes les stars que vous avez croisées. Oh. Vous êtes les témoins. Du Rico Show, vous faites le 0870 42 48 et vous arrivez un dos de ouf. On a des histoires avec des footballeurs, on a des histoires avec des actrices, mais vous venez, vous avez croisé une personnalité, vous avez vécu un moment à part, spécial, vous étiez bloqué, vous étiez une soirée, bref, une anecdote de ouf. Vous nous les racontez là, on a du très très lourd déjà, mais on veut aussi vos délires. 0870 42 48. Et puis là, Sarah, en parlant des personnalités, on va faire un truc de ouf. On va faire un truc énorme. Moi, j'adore quand tu imites Bernard Laporte. Qui est président de la Fédération Française de Rugby, ouais. Qu'on voit sur Balance ton poste sur C8, etc. D'accord. Exactement. Donc cet après-midi, j'ai cherché des petites annonces sur Le Bon Coin, des autographes dédicacés de Bernard Laporte, des personnes qui vendaient ça. D'accord. Et j'ai trouvé une nana qui vend donc autographes dédicacés de Laporte et tu vas l'appeler pour te plaindre. D'accord. Parce que c'est pas ton autographe. Parce qu'elle a usurpé le usurpé. On va taper une colère de ouf et je vous offre des places pour le Ballon d'Or. Je vous explique, vous vous inscrivez tout de suite là maintenant, 0870 70 42 48 les amis, c'est parti, on vient dans une minute. Koé sur Énergie. La friendzone, c'est que la simple conséquence d'un comportement trop banal et non sexué envers la personne qui vous plaît. Ça, je l'ai trouvé dans un livre, hein. C'est pas de moi. Non, parce que ça, c'est une explication que personne ne peut te dire comme ça. Je vous la refais. En gros, il faut être un connard. Donc à chaque fois que quelqu'un maintenant me traitera de connard, c'est que potentiellement, je peux le ou la pécho. C'est Koé, c'est à 17h, c'est sur Énergie. Dis donc, gérer son argent, c'est pas si simple. Comment tu fais, toi ? Moi, je m'informe pour comprendre. Je lis Le Revenu tous les vendredis et je suis toute l'actualité sur leur nouveau site, lerevenu.com. Mais pourquoi ? Bah parce que les conseils bourse et les placements du revenu sont vraiment indépendants, plein de bon sens et très efficaces. Avec Le Revenu, j'ai confiance et je peux gagner de l'argent. Le Revenu, partenaire conseil pour réussir vos placements. Bonjour, c'est Jean-Marc Morandini. Je vous donne rendez-vous en direct, vendredi, à 20h55 sur Énergie 12, pour un numéro inédit d'héritage consacré à Johnny Hallyday. Dans ce document exclusif, vous découvrirez les coulisses des négociations secrètes entre Laetitia, David et Laura. Vous comprendrez les rebondissements de cette affaire hors norme. Vous allez entendre des témoignages inédits. Héritage spécial Johnny, vendredi à 20h55, en direct sur Énergie 12. On a bien bossé ce trimestre. Oh, tu m'étonnes, on a tout donné. On l'a bien mérité, notre pack PlayStation 4 et le jeu Marvel's Spider-Man. Ouais, mais attention au budget. Je sais, et c'est pour ça qu'on va aller chez Leclerc. Leclerc ? Chez Leclerc, tu as 50 euros de remise immédiate et une deuxième manette offerte. Non ! Offre valable du 23 au 26 novembre pour l'achat d'un pack PlayStation 4 1 Tera Marvel Spider-Man. Bénéficiez de 50 euros de remise immédiate plus une deuxième manette offerte. Soit l'ensemble à 299 euros au lieu de 408,90 €. Voir modalité sur www.culture.leclerc. Gagnez des consoles PS4 Pro pour la sortie du film Robin des Bois avec Énergie. Tu étais un noble, mais à présent tu vas devenir un voleur. Et je vais te montrer comment. Écoutez Koé de 17h à 20h sur Énergie et gagnez des consoles PS4 Pro. Tu es Robin des Bois. Robin des Bois avec Taron Egerton et Jamie Foxx, le 28 novembre au cinéma avec Énergie. It's music only. Energy. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt. With your head. Sur Énergie, le Rico Show, 20h-23h sur Énergie. Ouais, oui les amis, que du kiff ensemble. Tiens, on va s'écouter Big Flo et Oli aussi les amis, ça arrive. Tu comprendras plus tard. On est là jusqu'à 23h, super content d'être avec vous et on se fait un vrai kiff puisque déjà on va vous filer des places pour le Ballon d'Or, on va se faire une patate chaude, vous allez être représenté par un membre de l'équipe, ça va être énorme. Qu'est-ce qu'il y a mon Sylvain? Bah non, mais demain on reçoit une star aussi demain. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord, tu veux que j'en parle maintenant, ça te fait plaisir. Oui. D'accord, demain on sera avec Ritza les amis. Hein. Ce sera un vrai kiff. Apparemment, Ritza vient d'envoyer un texto à Sylvain Ilicien. Il a une bille. Hein. A priori, il est intéressé sur les chansons de Ritza. Je suis au courant, moi, il a gagné ses 4 euros là grâce à toi. Je te le dis. C'est sûr, il a gagné de l'argent. Ah, il a gagné de l'argent. Il y a un pari, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il me coupe pour me dire Ritza? Il est fou ce mec. Oui, il sera là avec nous, Ritza, à la même heure demain. Tiens, on va kiffer avec lui, ça va être énorme. Tiens, on va parler des stars. Vous avez croisé des stars. 0800 70 42 48. T'as croisé une star, toi, Sarah? Ah, mais moi, vous savez que je suis l'ami des stars, sans me la raconter. Non, mais sans me la raconter, les gars, on sait très bien. Des stars déchus. Ouais. On connaît toi, ma carrière dans des la musique. Vu tous les stars que t'as sur le front, ma sœur, on va en parler. Vous venez, 0800 70 42 48. Venez nous raconter vos histoires. On a que des histoires de ouf. Hein. Je vous le dis avec des politiques. Oula. Avec des. Oh ouais, non, mais je te le dis, il y a ce qu'il faut. On a des histoires avec des acteurs. On prend tous les avis. Venez vous confier, même de façon anonyme, vos moments vécus avec les stars. Ça va être énorme. Sarah, en parlant d'une star, il y a Bernard Laporte. Qui était ancien sélectionneur de l'équipe de France en rugby, ancien ministre des Sports, qui est aujourd'hui chroniqueur sur Balance ton poste et surtout président de la Fédération française de c'est rugby. Ça. On est parti voir, comme j'arrive un petit peu à l'imiter, on est parti voir sur le Bon Coin et apparemment ils vendent des gens vendent des dédicaces de Bernard. C'est ça, des autographes dédicacés et du coup bah, tu vas appeler la nana qui vend ça pour te plaindre. C'est pas ma dédicace. Donc on usurpe mon identité, c'est ça? Tout le monde peut griffer un truc sur une photo et dire que c'est moi. Donc je me fais passer pour la personnalité. On a dit à la dame qu'on allait l'appeler parce qu'on est mécontent. Ouais. C'est parti, j'appelle la dame qui habite du côté de Valenciennes et qui vend ma photo dédicacée de moi, Bernard Laporte, que j'incarne. Et ça va gueuler parce que c'est pas ma signature. Moi je vais attaquer. Je vous le dis, c'est parti, on y va. On y va, on y va. Allez hop hop hop. Hey Bernard. C'est Bernard. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour, je vous appelle, je suis Bernard Laporte. Je permets de vous appeler parce que j'ai vu que sur le Bon Coin vous vendiez un autographe dédicacé de ma part. Hein? Je l'ai vu à 6 euros. Je ne saurais pas vous dire exactement, oui. Peut-être. Oui, je vous ai vu vendre cela. Alors, je ne reconnais absolument pas ma dédicace, ma signature. Ah bon? Si je vous appelle, c'est parce que vous allez recevoir un courrier recommandé, parce que malheureusement, je suis obligé de porter plainte. Et voilà, je vous appelle pour cela. Moi, j'ai écrit à la fédération qui m'a envoyé votre dédicace. Oui. Vous usurpez mon identité, vous êtes au courant? Ah, non, voilà. Non, mais... Ah si? Non, moi j'ai écrit à la fédération. Oui, mais en prenant comme ça. Mais moi, j'ai écrit à la fédération pour avoir l'autographe, comme je fais avec pas mal de sportifs ou de chanteurs. Bien sûr. Bon, voilà, sauf que c'est pas ma signature, madame. Donc moi, je comprends bien. Mais est-ce que vous avez... Bon, il va falloir l'enlever tout de suite. Bon, moi, je m'excuse. Oui, mais je vous demande tout de suite de retirer ça de la dose. C'est ce que je vous dis. Oui. Et je vous demande également une compensation financière pour le souci. Alors, ce ne sera pas très élevé. Je vous demande ça, 50 euros. Bah, écoutez, moi, je l'ai fait de toute bonne foi. J'ai écrit à la fédération. Je comprends. Quand on écrit à une vedette, j'ai même écrit au président de la République. Moi, bien sûr. J'ai une photo dédicacée. Lequel, lequel de président? J'ai M. Sarkozy. Écoutez, M. Sarkozy était l'ami proche. Monsieur Sarkozy est un ami proche, j'ai aucun problème. Mais je vous dis que... Je l'ai. Qui vous a fait l'autographe de Nicolas? Qui? J'ai écrit à l'Élysée. Vous avez écrit à l'Élysée? Oui. Bon, écoutez, bougez pas, je vais voir avec Nicolas aussi. Hein, vous bougez pas. Allô, Bernard? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Pourquoi tu me déranges? Écoute, je suis avec une jeune femme, là. J'ai un problème avec elle sur un autographe qu'elle m'a usurpé. Elle est prête également à voir ta dédicace. Écoute, Bernard. On va le savoir tout de suite. Bonjour madame, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour, Nicolas Sarkozy à l'appareil. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, monsieur le président. Je suis très content de vous avoir au téléphone. Bon, j'ai compris qu'il y avait un souci avec Bernard, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bon, on va arranger ça tout de suite. Vous m'avez l'air toute gentille, vous appelez comment? Vous appelez comment madame? Je m'appelle Claudette. Claudette, très bien. Alors, Bernard, tu vas laisser Claudette tranquille. Tu sais les problèmes que j'ai eu, hein? Je te le dis tout de suite, j'arrête tout. Écoute Bernard, Claudette est avec nous, hein? Vraisemblablement. Elle a l'air d'être plus sincère. Alors on arrête, on met le chapeau sur cette histoire. D'accord, Claudette, on arrête là-dessus, on s'excuse auprès de Bernard. D'accord, je m'excuse, Bernard. Vous excusez, Bernard, c'est bon, t'arrêtes de faire ta gueule de con. Écoute, moi ça me va si elle me présente ses excuses, monsieur Laporte, concrètement. Alors est-ce que, Claudette, vous êtes prête à me donner vos excuses? Ben, je vais vous dire, je vous présente mes excuses, oui. Très bien, bon, très bien, très bien. On arrête là. Je vous repasse Nicolas, pour moi c'est tranquille, d'accord? D'accord, je vous remercie beaucoup. Oui, Claudette, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bon, j'ai réglé cette histoire avec Bernard. Hein? D'accord, je vous remercie beaucoup. Bon, je vous dis à très vite, Claudette, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Hein? Hommage à toute votre famille. Hein? Merci, au revoir. Au revoir, Claudette. Merci, au revoir, monsieur le président. Oui, je m'excuse. Non, c'est pas grave. Au revoir, Claudette. Au revoir. Merci, au revoir. Merci de votre gentillesse. T'imagines ce soir au repas de famille? Elle se fout de ma gueule. Elle a pas cru que c'était Bernard et Nicolas. Elle y croit. Je sais pas. En tout cas, on s'est marré. C'est l'essentiel. On parle des rencontres de stars que vous avez faites là. 0800. Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé? pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, on disait, plus tard. Allez les amis, on parle des rencontres de stars. Vous venez 0800 70 42 48. Le Rico Show débarque. De 20h à 23h. Sur Énergie. Super content de voir que vous avez kiffé les imitations là. Bernard Laporte et Sarkozy à moitié mort. Ça fait plaisir les amis. On parle des fois, on a rencontré des restas là. On a justement Lucas qui a passé 2 heures avec une star. Il a fait le 0800 70 42 48. Ça va Lucas? Ouais, salut Rico, salut l'équipe. Salut, salut Rico, qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Raconte un petit peu. Eh ben écoute, en fait, moi je travaille à la poste, je suis facteur. D'accord. Et il y a quelques années... En alors, fait, excuse-moi Lucas, mais est-ce que toi tu montes à l'étage quand il y a un colis? Ben ouais, quand bon, surtout quand c'est une petite nana bien roulée. Ouais, ah, ouais, ah ouais, ah, tu la connais celle du cinquième, hein? Ah ouais, pas mal, cinquième gauche, ouais, on connaît la même. T'es con Lucas, ok, et du coup un jour, il t'est arrivé quoi? Ben en fait, il y a eu un tournage dans mon bureau de poste. C'était Joséphine Ange Gardien avec Mimi Mathy. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Non. D'accord. C'est fort ça. C'est fort ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben moi j'étais figurant dans la série. Ah ouais. Et pour le coup, en fait, j'ai pris l'ascenseur avec Mimi Mathy pour l'emmener à l'étage. Mais en fait, si tu veux, les locaux de la poste, c'est un petit peu vieillot. Hein, tu vois comment ouais, c'est. Ouais, bien sûr. Eh ben l'ascenseur est tombé en panne, on est resté coincé 2 heures dans l'ascenseur. C'est pas... il paraît que pendant 2 heures, elle a claqué des doigts, mais rien n'y a fait. Elle a essayé de disparaître de l'ascenseur. Et alors, il y avait que toi et elle dans l'ascenseur? Il y avait qu'elle et moi, ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle était? Alors, tu l'as pécho? Ah non, j'ai failli, mais non, j'ai... Est-ce qu'elle était Mimi, Mathy? Oh, oui, non, tu l'as pas faite celle-là. Sylvain, sort de ce corps, putain. Est-ce qu'elle était gentille? Est-ce qu'elle était gentille? Franchement, super sympa. Après, fallait tuer le temps. Alors vraiment, on a discuté. Super sympa. Franchement, vraiment adorable. C'est vrai. Et est-ce que Mimi, elle est un peu chaude ou elle est maquée quoi? Parce qu'au bout elle de deux heures, il y avait son mari qui était là en plus pendant le tournage. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, elle était. Ah oui. Ouais. Donc, du coup, il s'inquiétait un petit peu, mais bon. Ah ouais. Et est-ce que... Ah ouais, d'accord, donc ça s'est bien passé. Bon bah écoute, t'as passé un bon moment. Et du coup, maintenant t'as son number, tout ça, vous vous en rappelez? Est-ce que ça crée des liens? Est-ce que... Ah, j'étais obligé de changer de numéro, elle arrêtait pas de me harceler. C'est pas vrai, Sylvain. Non mais tant qu'il lui colle pas le timbre, tout va bien quoi. Ouais, mais j'ai pas compris. Ah, le timbre, ah oui, parce qu'il est postier. Ah ouais, d'accord. Excuse-moi, c'est trop recherché. Merci, postier, on t'embrasse, mon Lucas. Plein de bisous. Merci d'avoir partagé ce délire avec nous. N'hésitez pas, 0800 70 42 48. Sarah, t'as vu une star, une rencontre? Alors plein. Bon, il y a eu Bellucci, mais ça, je l'ai déjà raconté. Je vais vous raconter Tina Arena. Vous rappelez la chanteuse? Allez, plus haut! Oh là là! Et en fait. Elle a fait d'autres choses, elle ou pas? Ouais, plein de choses. Ah, voilà, parce qu'après, elle est très bas. Elle est plus bas. Et donc, moi, j'étais en studio d'enregistrement, le studio de Pascal Obispo. Wow. Et Obispo, la veille, m'avait dit je te donne les clés. Par contre, ouvre à l'aide ménagère qui va venir le matin très tôt, vu que t'es là à 9h. Donc, je lui dis ok. Il me dit tu lui montres le local, tu lui donnes la serpillière. Ouais, t'es femme de ménage, quoi. Et donc là, ça sonne, je vais ouvrir. Donc, la nana, je l'accueille. Donc, je lui dis voilà, le local à ménage est là. Tenez, je lui donne le balai, je lui donne le seau, tout. Et la nana me regarde, elle me dit mais vous me reconnaissais pas, je lui dis non, et c'était Tina Arena, je l'ai prise pour la femme de ménage. Arrête. Ouais, donc gros gênant, c'est toi, c'est plein à Obispo. Oh là là, ouais. Sylvain me souffle que depuis elle est dans le maillot de bain. Quel rapport. Arena, la marque de maillot de bain. C'est Sylvain qui souffle, hein. Vous savez, c'est Coluche. Alors, assume ta blague. C'est un bon prétexte, ça, c'est une bonne excuse pour les vannes pourries. Dès que t'as une vanne ripou, tu mets Sylvain dans le dos. Tu verras, ça passe tout seul, les amis. Alors, on se met Imagine Dragon, c'est puis on aura justement un copain qui a rencontré un footballeur là, histoire de footballeur. Il a passé une soirée chez le footeux. Footballeur connu dans le monde entier, grande star. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, found the wrong within the past. Knowing we are the youth, caught until it bleeds out of world without the peace. Facing a bit of the truth, the truth. I'm fading black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it, I'm gonna make it. Allez, on parle des rencontres de stars sur... Ah, quand tout va bien, il y a tout le monde. Mais quand ça ne va pas, il y a qui? Eh ben, personne. Ah si, si, si, eux, ils sont là. Le Réco Show, 20h-23h. Sur Énergie. Eh oui, on sera toujours avec vous, les amis. Des places pour le Ballon d'Or arrivent, on va se faire kiffer et on parle des rencontres de stars. Sylvain, je sais que t'as rencontré une nana très, très jolie. Oh. Ouais. Voilà, moi, très, très, voilà. Moi, je pense que tout mec la kiffe, quoi. Ouais, on va en parler après. C'est ouais. celle qui vend le plus de calendriers. Hein. Ah, même sais. Devant les dieux du stade, on va en parler. Mais Stéphane a fait une soirée de ouf avec un footballeur. Ça va, Steph? Salut Rico, salut l'équipe. Salut Antoine, t'as fait le 0800 70 42 48. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Steph? T'as rencontré qui? Eh bien, en fait, lors de l'Euro 2016 en France, ouais. Le 21 juin, jour du match à Marseille entre la Pologne et l'Ukraine. D'accord. J'étais volontaire pendant l'Euro et on ouais. m'a chargé d'emmener des personnalités dans une maison à côté de Marseille, à La Ciotat. D'accord. Je ne savais pas du tout chez qui j'allais. Ouais. Et quand j'ai amené la première personne, j'ai sonné à la porte, enfin au portail. Ouais. Et quand je suis rentré, en fait, j'étais chez Michel Platini. Putain, wow. Mais alors que Platini, il était déjà radié du foot, là, parce qu'il avait eu des histoires ouais. en 2016. Déjà ou pas? Bah ouais, il était déjà plus ouais. dans le foot. Et quand même, en fait, finalement, il chapeautait quand même un peu l'événement. C'est ce que tu es en train de me dire, là, Stéphane. Non, il chapeautait pas du tout l'événement. Qui tire des conclusions. Et Rico, avec l'État, il est comme ça. Ah ouais, et moi, je suis comme ça avec l'État. Donc, je vais appeler tout de suite pour dénoncer ça. Vous savez qu'on est copains. Non, mais je te taquine, mon Steph. Et du coup, qu'est-ce qui se passait dans cette ville-là? Eh ben, le 21 juin, c'était donc son anniversaire, c'est 61 ans. Ah. Et en fait, pour la petite histoire, je suis né 7 jours après lui. Enfin, quelques années plus tard. Catoche. Mais 7 jours après lui. Et du coup, quand j'ai amené la dernière personne, j'ai demandé si on pouvait faire une photo du fait que je suis fou de moi-même. Donc du coup, j'ai voulu, c'était en plus idole de mon père. Donc du coup, j'ai dit, est-ce que je peux prendre une photo? C'est un peu comme Zidane, hein, pour la nouvelle génération. Oui. Voilà. Pour la nouvelle génération, ouais. Pour l'ancienne, Platini, ça faisait partie des stars. Bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, J'ai demandé la photo, il me dit ouais, il n'y a pas de problème et tout. Et de là, il me dit est-ce que tu veux boire un verre avec nous? J'ai dit ben, si ça ne dérange pas. Donc du coup, je suis resté. J'ai passé la soirée chez lui avec plein de gens que je connaissais pas. Putain, c'est énorme, histoire de ouf. Et tu t'es gueultonné, ça va, les petits fours et tout étaient bons? Ouais, franchement, ouais, le traiteur, il était impeccable. Il s'appelait le nôtre. Non, mais nickel, non, mais c'est énorme ça. Hey, franchement, sacrée histoire, sacré ouais, souvenir. Bravo. Et il y avait de la meuf là-bas, il y avait quoi? Il y avait. Raconte-moi un peu. Non, mais ça m'intéresse. Est-ce que chez Michel, il y a de quoi mettre un pénalty? Quelque ouais. chose. Ah, bah, ah, c'est classe. Il ah, y avait de la cougar, on va dire. Ah, il y a de la cougar chez Michou. Est-ce que t'es rentré seul de chez Michou? Oui, je suis rentré seul. Ah, il y avait des gros ballons ou pas? Ah, oh, c'est bon. Oh. Eh, vous êtes lourd, hein. Eh, là, c'est hors jeu, là. Par contre, ils m'ont offert un maillot. C'est pas vrai. C'est lui? De lui? Ouais. Mais non. Mais si. Putain, il est super gentil, il devait être. Un maillot de la Juve, il m'a offert. Ah putain, ah ouais. C'est énorme. Hey, franchement, à l'époque. Ah ouais, t'as dû arriver au bon moment de l'apéro, toi. Ouais. Il était. Hey, le gars, il t'a gueuletonné. Putain, il voulait pas te dire. Bah, reste dormir à la maison. Maintenant que t'as le maillot, que je t'ai invité, que t'es bien, qu'on a fait. Tu veux pas dormir, frère? Ah ouais. Non, mais c'est là. Et la baraque, c'était une baraque de ouf, hein. Ouais, la baraque, elle est magnifique, avec une vue sur la mer, piscine à débordement. Oh là là, c'est énorme. C'est fort. Steph, merci de nous avoir fait rêver. On te fait plein de bisous, mon Steph, en tout cas. Bisous, Steph. Bisous à tous. Bravo. Ciao, mon poulet. Sylvain, il t'est arrivé une histoire de dingue, toi. Ah, il m'est arrivé un truc de ouf, moi, franchement. Avec qui? Le nom. Allez. Elle s'appelle Clara. Clara qui? Bah, Clara Morgan. Hein. Oh là. Et du Sud, elle aussi. Ouais, je sais, ouais. Clara Morgan. D'accord. D'accord, et est-ce qu'on a dansé sur le pont? Non, on n'a pas dansé sur le pont, mais on a fait une petite baignade ensemble. Ah ouais? Non, mais ouais. Attention, parce que j'ai très peur des baignades de Sylvain. Ouais. On s'en parle après Drake et il y aura le ballon d'or et le jeu. Vous bougez pas, Drake sur NRJ, les amis, on est comme des oufs. On est là avec vous pour kiffer jusqu'à 23h. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And then when you get top and I see that you've been learning, and when I take you shopping, you spend it like you earned it, and when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you were the one from the jump that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, cause I want you and I need you. I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. I need that black card and a code to the safe. Code to the safe. Code to the safe. Safe. I show them how to network. Fuck that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you. And I need you, and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. termine les amis sur les rencontres de stars avec Sylvain qui a rencontré Clara Morgan. Il souhaite nous en faire part. Une belle rencontre. Et puis derrière on se fait le ballon d'or là avec la patate chaude. Chacun d'entre vous va représenter une personne de l'équipe, des questions de culture générale. Et le but est de répondre avant d'avoir la patate dans les mains. Il faut se la refiler, elle est bien chaude. On dirait une MST. On parlera aussi de tous les dossiers de l'équipe avec la boîte à dodos. Sylvain, Clara Morgan, tu l'as rencontré il y a quelques temps. Raconte-moi. Ouais, il y a à peu près 10 ans. Ouais. Donc, il y a 10 ans, d'accord. Voilà, donc il y a prescription. Hein. Ouais. Et en fait, c'était un petit sauna coquin, tu vois. Coquin, d'accord. Coquin, ah ouais, donc c'était une soirée libertine, quoi. Non. Enfin, ouais, c'est. Ou c'était un sauna connu pour avoir des gens, genre comme au Cap d'Agde, la plage un peu connue. Voilà. Ou est-ce que c'est un lieu vraiment. Non, c'est un lieu où tout le monde peut y aller. Hein. Toi, moi, Sarah. C'est un sauna, quoi. C'est un sauna. Ouais, mais d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait, Clara Morgan, dans le sauna, quoi, ouais, elle était en maillot de bain, quelque chose. Elle était avec son mec ou. Enfin, là-bas, c'est un sauna où tu te mets à poil, quoi. Elle était nue. Ah oui, elle était nue. Nue à côté de toi. Bon, vous voyez, bien sa lune, quoi. D'accord. Donc voilà. D'accord. Et forcément. À prendre avec des pincettes. Hein. Oui. On aurait vu sa lune. Ouais, exactement. Bah, parce qu'il y avait beaucoup de bulles. Ouais, d'accord. Donc forcément, j'ai pas tout vu. D'accord. Et donc, elle était juste à côté. Rassure-moi, elle ne t'a pas touché. Ah non, du tout. On est resté vraiment. À distance, hein. De part et d'autre. À distance de sécurité. Elle a toujours une puce, Clara. Moi qui la connais un peu. Voilà. D'accord. Et donc elle était avec son mec. D'accord, ah ouais. Voilà. Son mec, elle s'amusait. C'était un sauna un peu olé-olé, mais elle était avec son mec, quoi. Elle était avec son mec, elle était juste à côté de moi. Et voilà, c'était sympa, quoi. Ouais. Non, parce que moi, je la connais bien. Chaque fois, elle met un point d'honneur à dire voilà, qu'elle a un mari, qu'elle est mariée, bien etc. Sûr. Et je sais qu'elle a une vie très rangée aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, je suis déjà allée. Mais c'est bien, mais pourquoi elle va dans un sauna nu avec d'autres hommes? C'était il y a 2 ans, mais est-ce qu'elle était nue? Est-ce que les gens étaient nus là-dedans? Dis la vérité. Est-ce qu'ils étaient nus? Non, mais je pense qu'elle avait mis un. Tu sais, tu peux mettre les strings chers là. D'accord. Strings chers. Non, mais je pense que c'est ça, tu vois. Ils se foutent de notre gueule, ouais. Donc elle avait une combi chère, quoi. Oui, voilà, on l'appelait chère d'ailleurs. D'accord. Et t'étais comme un ouf, toi, non? Ah, bah. Forcément, il y avait le petit bateau qui remontait, quoi. Il a mis la grand voile. Il a monté le main. Ah, ouais. Et t'as tenté une approche ou pas? Je connais. Non, non. C'est vrai. Oh, t'as entendu une approche. Bah forcément le yep il a un peu dérapé. T'es venu chatouiller les pieds de Clara. Ah bah forcément. Et alors? Ouais, j'ai senti un petit coup de. un petit coup de pied dans le sens. Genre chez Watt. Et ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait là-dedans? Y'a rien de spécial, quoi. Elle était avec son mari, quoi. Ah ouais, non, elle était tranquillement en train de regarder ce qui se passait un peu autour d'elle, quoi. D'accord, à gauche, à droite. Elle était en girouette, comme on dit dans le jargon. D'accord, et toi, t'as mis le pied, t'as pris un coup de griffe. Hein. J'ai pris un coup de griffon et je me suis reparti sur Anna qui était à côté de moi. C'était plus facile. Très bien, Sylvain. Allez, les amis, le ballon d'or arrive et la boîte à dodos. Et ça démarre sur Sarah, vieille ringarde, qui se prend pour une fashionista. Tiens, ça démarre comme ça, les amis. On est là dans une minute. Toute petite spot, 1:30, pardon. On revient. Votre radio préférée. Vos hits préférés. Ici. Ici, c'est Énergie. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Hits music only. On a bien bossé ce trimestre. Oh, tu m'étonnes, on a tout donné. On l'a bien mérité, notre pack PlayStation 4 et le jeu Marvel's Spider-Man. Ouais, mais attention au budget. Je sais, et c'est pour ça qu'on va aller chez Leclerc. Leclerc? Chez Leclerc, tu as 50 euros de remise immédiate et une deuxième manette offerte. Non. Offre valable du 23 au 26 novembre pour l'achat d'un pack PlayStation 4 1 Tera Marvel's Spider-Man. Bénéficiez de 50 euros de remise immédiate, plus une deuxième manette offerte. Soit l'ensemble à 299 euros au lieu de 408,90 €. Voir modalité sur www.culture.leclerc. Les vacances des anges, Viva España, du lundi au vendredi à 19h, sur Énergie 12. Les anges poursuivent leurs vacances à Marbella. Mais après plusieurs jobs ratés... Je pense que ça va être difficile, ouais, c'est assez technique. Ceux qui veulent rester vont devoir payer le loyer. Départ précipité, alliance inattendue. Autant vous dire que l'ambiance est électrique dans la villa. Elle est comme une furie. Elle part en cacahuète, et là c'est la tempête. Les vacances des anges, Viva España, du lundi au vendredi à 19h, sur Énergie 12. Dis donc, gérer son argent, c'est pas si simple. Comment tu fais, toi ? Moi, je m'informe pour comprendre. Je lis Le Revenu tous les vendredis et je suis toute l'actualité sur leur nouveau site, lerevenu.com. Mais pourquoi ? Bah parce que les conseils bourse et les placements du revenu sont vraiment indépendants, plein de bon sens et très efficaces. Avec Le Revenu, j'ai confiance et je peux gagner de l'argent. Le Revenu, Partenaire conseil pour réussir vos placements. Gagnez en exclusivité sur Énergie votre super séance en avant-première du film événement de Noël, Bumblebee. C'est pour ça que tu es là, Bi. Connectez-vous dès maintenant sur Énergie.fr et gagnez votre super séance dans votre ville juste pour vous et vos amis. Bumblebee, le héros le plus cool de la saga Transformers. Le 26 décembre au cinéma avec Énergie. It's music only. Intrépide, courageux, anonyme. Tu as vu la mort de près, c'est pour ça que je t'ai choisi. Tu vas devenir un guerrier. Robin des Bois. 1000 livres à celui qui me livrera ce voleur. Taron Egerton, Jimmy Fox, au cœur de l'action. Ils sont trop nombreux. Quoi, pour toi et moi? Ils sont pas assez. Produit par Leonardo DiCaprio. Robin des Bois, le 28 novembre au cinéma, avec Énergie. Tout le monde se la refile? Elle, c'est la patate chaude. Et elle peut exploser à tout moment. Surtout quand il y a une bulle dans le jacuzzi. Les amis, on est là jusqu'à 23h pour kiffer. Et le ballon d'or approche et c'est lundi 3 décembre. On vous offre ça. Pour ça, il faut répondre à des questions de culture générale. On a Maxime qui est là. Ça va, Maxou? Ouais, salut Rico, salut toute l'équipe. Salut Maxou, merci d'avoir fait le 0870 42 48 de t'être inscrit. Tu viens d'où, Maxime? Rennes. Rennes, et tu veux tes deux places pour le ballon d'or de lundi prochain, c'est ça? Bah ouais, un peu. Écoute, on va faire le maximum, Maxime. Qui choisis-tu pour te défendre? JM. Allez, très bien. Simple, poteau. Allez, l'Olympien. Évidemment, merci pour toi. L'Olympien. Vous vous ferez jamais l'Olympien. Dimitri est là, ça va Dimi? Salut l'équipe, ça va. Salut mon pote, tu veux qui pour te représenter, Dimitri? Alors moi, ça sera Sarah. Ouais, très Dimi. Bien. Tu viens d'où, Dimitri? Moi, je viens de Strasbourg. Strasbourgeois en force. Vous avez vu, Rennes, Strasbourg, on est là, on fait les quatre coins. Et on a Elo qui est là. Ça va, Elo? Hola, l'équipe. Hola. Salut, ma poulette. Tu viens d'où, Elodie? Alors moi, je viens des Yvelines, de Sartrouville. D'accord, de Sartrouville. Ah. Très bien, du 7-8. Eh ben écoute, on a la ligne, là. Voilà. Rennes, Paris, Strasbourg, on est sur une ligne. Elle n'a pas encore choisi ses lignes. Qui tu décides de choisir, Elodie, pour tes deux places? Oh bah j'hésite, mais bon, Sylvain. Sylvain, ah, par dépit quoi. Par on début, sent quoi. Qu'on t'a forcé. Non, c'est mon préféré, Sylvain. C'est comme lorsque Clara Morgan a partagé son jacuzzi. Ah, c'est bon. Elle était obligée. Ok, hello, c'est parti, c'est la patate chaude. 1 minute 30 pour répondre à la question. Vous passez la patate chaude et on verra qui est éliminé. Top, on démarre. Sarah, comment appelle-t-on couramment les œufs d'esturgeon? Des esturgiens? Non. Oh non. C'est rien, hein, je sais pas. Le caviar. Okay. Quel monument parisien comporte 1665 marches de la base jusqu'au sommet? Tour Eiffel. Bonne réponse, Sylvain. Quel est l'ancien nom du CE2? Du CE2? Ouais, ça avait un ancien nom à l'époque. Je suis jamais allé au CE2. C'est dur, hein. Mais CE2, c'est complément élémentaire. Non, c'était la 9e. Très bien. Attention aux échecs. Comment le fou se déplace-t-il, Sylvain? En diagonale. Bonne réponse. À quel boys band doit-on le tube partir un jour en 96? To Be Free. Bonne réponse. Attention, Sarah, quel gamin est le héros d'une série de bandes dessinées créée par Zap en 92? Tintin. Tarzep. Tintin. Zep. Titeuf. Titeuf, bonne réponse. Yes. Comment s'appelle l'école de sorcellerie d'Harry Potter, Sylvain? Boudlard. Bonne réponse, pareil. Le rugby est communément surnommé le ballon? Le ballon ovale. Bonne réponse. Quel homme politique français succède à Vincent Auriol en 54 à la présidence de la République? Mitterrand. Mauvaise réponse. Chirac. René Coty. Oh purée, Coty. Coty, t'as savais. Fait faire dans les cotillons. Oh non, pardon Dimi. Dimitri. C'est Coty. Dimitri, je vais quand même te faire un petit cadeau. Je te fais plein de bisous, Dimitri. Tu peux t'en prendre qu'à Sarah. Non, à Coty. Dimitri, merci en tout cas de nous écouter. T'es un frérot, on te fait un cadeau. Ok, Dimi? Merci à vous, vous déchirez en tout cas. On te kiffe, Dimitri. Merci, merci. Merci, beau joueur, Dimitri. Beau joueur. Il aurait mérité de gagner. Je veux que ce soit un beau joueur qui gagne. S'il te plaît. Il y a Maxime contre Elodie. Vous êtes prêts tous les deux? Ouais. Oui, allez Sylvain. De toute façon, tu veux pas Sylvain, c'est impossible. Allez poteau, qu'est-ce que tu pars toi, tu vois. Attention, ça part, on y va. Top, j'irai très vite les amis. J'irai très vite. Dès que vous trompez, attention, on repart. Dès que vous trompez, je change la question. Il n'y aura pas la question. D'accord? Ouais. Attention. Top. Par quelle lettre, Sylvain, faut-il remplacer le I de yogi pour obtenir le nom de la discipline qu'il pratique? Y. Non, le A de yoga. Comment se prénomme Rambo, incarné à plusieurs reprises par Sylvester Stallone au cinéma? Bah Sylvester. Non, John. Combien y a-t-il de cartes dans un jeu de 7 familles traditionnelles? 7. Non. Carte 42. Attention, Sylvain, au jeu du Mikado, comment appelle-t-on la baguette qui rapporte le plus de points? La baguette. Mais je savais pas quelle bigade, t'as le mec qui me donne du cadeau. J'ai plus de farce. C'est, vas-y, dis quelque chose. C'est le noir. Le Mikado. Attention, de quel petit insecte parasite la lente est-elle l'œuf? Mais c'est quoi ça? Non. T'en as plein la tête. Le parasite? T'en oui. as plein la tête. Ah, le pou. Le pou, voilà. Bonne réponse. En quelle année a eu lieu la bataille de Marignan, JM? 1515. Bonne réponse. Que signifient les initiales PV quand elles désignent contravention? Procès verbal. Bonne réponse. Dans l'expression populaire vin dieu, comment s'écrit le mot vin? V-I-N-S. Mauvaise réponse. Quelle est la plus grosse planète du système solaire? Saturne. Mauvaise réponse. Okay. Quel nom de famille identique? Ah, c'est perdu! C'est si long, je suis désolé, poteau. Elodie! Merci Sylvain, merci, t'es le plus fort, merci, je le savais. Elodie, tu iras voir Cristiano Ronaldo, Messi, tu iras voir Griezmann, Mbappé, Sylvain Potard. Tu vas kiffer, ma Elodie, bravo Elodie. Et c'est dommage que Sylvain a tout mis à côté. Elodie, ça te fait plaisir, ma chérie. Mais je suis trop contente, franchement merci, vous gérez de ouf, je suis trop contente, merci. Eh bah écoute Elodie, on te fait plein de bisous et on pense évidemment à Maxime. Maxime, on va te faire un cadeau, Maxou. Oui, bravo, franchement bravo. Merci, pas grave. Désolé poteau. Désolé mon frérot. C'est jeu, mon Maxou, mais vraiment t'as vu au départ, c'était bien parti pour moi. Ouais, et puis croyais là d'un coup. Non. Et ouais, vin dieu, c'est vrai que c'est VN, non? Ouais, c'est VNGT comme le vin. Ah ouais, ouais, je savais pas. Elle est terrible, celle-là est terrible. Et puis après derrière pour comme ça, JM, si t'as eu le temps, quel nom de famille identique portait le 26e et 32e président des États-Unis? Le 26e Kennedy. Non, Bush. Non, c'était Roosevelt. Après j'avais évidemment une question très simple. Comment appelle-t-on le fruit du chêne? Le blanc, ou Sylvain Potard. Et la planète la plus grosse? C'était Jupiter. C'était dur. Maxou, je te fais un petit cadeau. Bisous Maxou. Ouais, bisous, à plus. Plein de bisous, mon frère. Merci de nous écouter. Et puis, Hello, ça y est, tu pars. Bisous, ma Hello. Oh là là, gros bisous à tous. Merci bisous. Beaucoup. Trop bisous, bien. Bisous. Tu raccroches pas, ma chérie. Je t'embrasse. Alors, on se met à me messe, les amis. Et puis, derrière, on va se faire la boîte à dodos. Des petits dossiers sur l'équipe, comme ça, pour piquant. Ils ont osé l'ouvrir. C'est la boîte à dos. Dodos sur Énergie. Eh oui les amis, du dossier sur l'équipe. On va se faire un ou deux dossiers, on continuera le reste demain. De quoi vous donner envie, vous le savez, tout le monde balance ses dossiers. Malik, Sylvain, Sarah, JM, ouais. De façon anonyme sur les uns et les autres. Et souvent ça règle eh bien leur compte. Alors ouais. Sarah, cette vieille ringarde se prend pour une fashionista. Elle s'est fait offrir une infâme veste rose en mode mouton. Elle se croyait trop stylée et a défilé dans tous les étages de Énergie en faisant la belle. Elle est tombée sur Fabrice Coste, qu'on embrasse, hein, un des patrons qui s'occupe du label, ouais. Qui a d'ailleurs repéré Vagues, qui sera là demain aussi à Critza, ouais. Hein, et qui lui a dit la terrible vérité, ta veste est dégueulasse. Tout Énergie se foutait de sa gueule et depuis elle ne l'a plus jamais remise cette veste. Ouais, c'est vrai. Moi je suis arrivé au bureau, on m'a dit mais t'as vu Sarah, elle a une veste dégueulasse. C'est quoi tout ce truc machin, ben quoi, on m'a offert une fringue, je l'ai mise, moi j'ai trouvé très belle. On dirait, tu sais, une veste inflammable. Ouais. C'est le truc, tu peux pas aller mettre le plein avec ou tu brûles, frérot. Mais c'est vrai, c'est horrible. Arrête. Paillasson, tu peux faire même paillasson avec mais ça. Là, mais non, mais c'est trop beau pour un paillasson, vous frérot. Jaloux, vous êtes jaloux. Next. Tiens, potard, ignoble rat. T'as encore frappé. La famille de Victor, notre stagiaire, vend du champagne. Non. Pour gratter une bouteille de dégustation gratuite, il a fait croire à notre pauvre stagiaire qu'il allait acheter 3 caisses, mais qu'il fallait qu'il goûte avant, non. Bien évidemment. Escroc. C'est minable comme d'hab. Non, arrêtez, il est parti avec la bouteille de dégustation, parce qu'en fait, il est dans le champagne. Ses parents sont dans le champagne. Il a dit, écoute, frérot, il faut que je goûte. Alors, comment elle était cette bouteille de champagne? Non, attends, j'ai pas encore goûté. Je vais voir, je vais faire mon petit propre avis et après on verra si j'achète ou pas. D'accord, elle est à combien la bouteille à peu près? Elle est à 12-13 balles, je crois. 12-13 balles la bouteille? Ouais. Oh là, en plus, tu l'achètes direct chez le producteur, c'est-à-dire que c'est un truc de 25-30 euros facile dans le commerce normal. C'est du très bon champagne. Donc, tu comptes bien l'escroquer quoi. Non, tu mettras jamais 13 euros dans une bouteille de champ. Bien sûr, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Ouais, ça peut tu mettras jamais 13 euros. Mais on sait pourquoi il a pas ouvert, il va l'ouvrir à la fin de Noël, c'est sûr. C'est sûr, j'ai dit pensé. Il va la déguster au réveillon. C'est ce qu'il y a. C'est un petit producteur que je connais. Je vous le recommande. Il est même capable de changer l'étiquette et de mettre moitié Chanel. Oh non. T'es fou. Oh là là, quel salopard. Les amis, grave. Cette boîte à Dodos, elle est pleine, elle est grasse. On la continuera demain et on se régalera avec. On va se marrer. Soyez bien là demain. On reçoit Ritza. On s'est manqué. Il viendra avec Eva Guest, la star des covers. Là, sur internet, elle fera une cover avec Sarah. Elle a pas de chance, mais elle devra s'y confronter. Sarah Dublet, Déclive et le retour du VTC avec Malik. On va se régaler. Soyez bien là demain dès 20h pour une émission de ouf. Merci les amis d'être là, de commenter autant l'émission hashtag Ricocho sur Énergie. N'oubliez pas l'important de la vie. C'est faire scolaire. Allez, on va se faire une super semaine. Je vous dis à demain. Et puis là, ça continue avec Mickaël. Et oui, on va essayer en tout cas. Putain, j'ai mal au bide. Il y a quelqu'un, personne, il y a une solution là pour le. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Un petit smecta. Des familles. Non, je sais pas. Je crois que je vais faire l'émission direct des chiottes, ça ira mieux. Mais attention, vous mangez toujours des trucs. Je vois beaucoup de livraisons, vous. Beaucoup de livraisons. Ah bah non, ouais, mais alors ça, c'est Toff, Amina, tout ça. Mais Paul et moi, nous avons une alimentation remarquable. Ah ouais? Exactement. Parce que ces trucs de livraison H24 là me font peur. Non, moi je mange aux frais de Polo tous les soirs. On se fait un petit resto. Tranquille, hein. D'ailleurs, Sylvain devrait venir avec nous. Ah bah. Sauf que je suis à l'antenne à chaque fois. Oh merde. Enfin, pour une bouffe gratuite, ça vaut le coup de dégager. Non, oh bah tu sais quoi, dès que vous démarrez, il vous fait les poubelles. Hein. Qui sait que vous mangez juste avant, il y a toujours un truc qui traîne. Ah, ça, ouais, bah il y a Toff en général, il termine. Hein, ah, bah écoute. Un sou est un sou, il termine le plat. Hein. T'imagines le duo, là, Toff, Sylvain, ça serait. Non, laisse tomber. Ça ferait pas bon ménage. Bah si, mais c'est, au moins c'est bon pour. Il n'y a pas de déchets, quoi. Ah, bah là. Non, mais un par équipe, ça suffit. Ouais, je crois que c'est mieux. Ça marche. Bon. Qui fait l'équipe? Eh bah, bonne soirée à vous. Bisous. Et puis, salut à tout le monde. Et puis, nous, on est parti là tranquillement jusqu'à 3h et on commence. On commence avec DJ Snake maintenant, 01 40 71 5000. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Prende los motores Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Anonaki. No le baje, el booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje.

Ben oui. Je déteste ce mot qui ne veut rien dire, bien sûr. Pouvoir d'achat. De la merde. Ouais, non, parce que Polo s'en revient des Champs-Elysées, hein, où il est resté là depuis samedi avec les Gilets jaunes. Ça va, il est encore un peu dessus. Il a mobilisé ses troupes. Et non, voilà, je n'ai pas mis les pieds sur les Champs-Elysées. Ah bon? Mais tu crois que j'ai que ça à foutre? Bah, je sais pas, moi. Moi, je pensais que t'étais là avec ton peuple. Je rappelle que. C'est pas mon peuple. Attends, mais Amina, il va pas se présenter aux. Le mouvement Polo. Aux élections. Fidèle Polo. Fidèle Polo. Je me présente à nulle part. Polo voilà. Pour l'Europe. Voilà, c'est ça. Polo Gastro. Enfin, quoi que c'est plutôt moi, à mon avis. Gastro. Gastro, parce que j'ai mal au bide, sa mère. Quel est le lien entre la. Enfin, bon, bref. Bah, fidèle. Quel est le lien entre la. Non, mais gastro. Mais non, Castro. Ah, c'était la vanne. Oh, c'est pas drôle. Rigolé. Alors, ça y est, maintenant. Dès qu'on parle politique avec Polo, maintenant, là, on peut plus rigoler. Mais non, c'est un autre homme. Alors, ça rigole plus, là. Maintenant, il est dans la politique. Terminé, on peut plus lui parler. Alors, d'accord, ok, très bien. Ouais, ouais, c'est normal. Arrêtez d'acheter Carrefour. Oh, qu'est-ce qu'il y a de différent? Je balance, moi. Putain, j'ai encore plus mal au bide quand je vois qu'il bouffe encore de la merde là. Que de la merde. Je mange rien. Mais si, il y a deux secondes, il était en train de bouffer. Si, il a mangé l'espèce de sandwich dégueulasse. Il le mangeait au creux de sa main comme un gros porc là. Oh, si, t'as mangé un soba, un soba, ou je sais pas quoi. C'est faux. Mais si,